mais surtout bouffonner. Tandis que la Commedia dell'arte, au moment qu'elle naît au XVIe siècle, voit jouer les comédiens italiens de toute l'Europe, l'Europe orientale et occidentale, de Vienne jusqu'à Lisbonne. La comédie, ce qu'on appelle Commedia dell'arte au XVIe siècle, était déjà un genre de théâtre qui comprenait aussi la tragédie, le drame, la pastorale, etc. Ils étaient très doués dans le chant et dans la musique. Donc il ne faut pas imaginer seulement un théâtre de bouffons. Et ça s'est produit, cette distinction, cette réduction du théâtre de la Commedia dell'arte, justement au XVIIIe siècle, parce que, surtout au XVIIIe siècle, mais ça commençait déjà à la fin du XVIIe, parce que la renommée et, si vous voulez, même la naissance de la Commedia dell'arte est due au point de vue français. Il faut marquer tout ça. Parce que sinon, vous aviez au XVIe siècle un théâtre professionnel qui circulait en Italie, qui existait dans les villes, mais à partir d'un certain moment, ce théâtre s'est déplacé et il a créé une forme, une expression, un système formel, un langage qui était le langage entre les deux, c'est-à-dire le langage qui n'était pas adressé aux habitants des villes italiennes, aux cours, mais à la cour, aux cours de Florence, de Naples, etc., mais était un spectacle qui était adressé à des étrangers, encore plus étrangers que les étrangers qui étaient en Italie, entre Florence, Milan, Venise et Naples. Donc c'était la Commedia dell'arte qui a mesuré la différence. Et pour ça, ça a été une forme de théâtre, une forme de culture très importante, pacifique. Il ne faut pas évoquer l'importance des Italiens comme acteurs qui apportaient la paix à la fin du XVIe siècle en France, quand la France était troublée par des problèmes politiques assez sérieux. Donc, parce que ils étaient des messagers d'unité, de fraternité, de paix. Donc, quand ils ont voyagé, ils étaient en condition de mettre à côté, de faire dialoguer. Ils étaient en condition, ça va ? Oui. Ils étaient en condition de faire dialoguer la différence. La Commedia dell'arte naît en tant que contraste entre le personnage d'en bas, le servant, et le maître. C'est une des premières formes de théâtre où on utilise la stylisation en masque, en costume des personnages. À Venise, dans le territoire du nord-est italien. Et ce contraste entre la différence culturelle, linguistique, du personnage d'en bas et du personnage d'en haut, a continué dans tous les dialogues qui s'est produit en Italie au XVIe siècle. Avec on a multiplié ce jeu de différences avec des personnages qui n'étaient pas seulement du nord-est de l'Italie, mais aussi c'était la mise en scène aussi des personnages qui étaient en provenance du sud et des personnages qui étaient plutôt en condition de parler le langage littéraire florentin. Donc avec cet assemblage des personnages différents, les comédiens ont circulé en essayant de trouver dans d'autres endroits, ce qu'on appelle la trait, l'adhésion du public. Et comment ça marchait exactement avec cette représentation des contrastes, des conflits linguistiques, des conflits ethniques, si vous voulez, mais tout joué autour du thème du rire, autour du thème de la comédie. La comédie réunissait ce que les langages du départ divisaient. Et en plus, il faut ajouter que c'était un genre musical et dansé qui ajoutait au langage physique du corps, quelquefois même violent, ajoutait un langage super partesque, c'est-à-dire un langage qui dépassait les bornes municipales, etc. Ce système de différence et d'unité, ce concert, cette concertation de différence a fonctionné très bien dans les territoires italiens, mais bien sûr a permis de faire diffuser ce genre, ce qui va devenir un genre, mais qui était à ce moment-là un théâtre sans borne, qui traitait la comédie, la parodie et même les thèmes sérieux, tragiques. Il faut surtout se libérer de l'idée que la commedia dell'arte soit seulement la comédie. Les plus grandes comédiennes et les plus grands comédiens de la commedia dell'arte étaient en condition de jouer les tragédies. Isabelle Andrini était une grande tragédienne, et Giovanni Battista Andrini, un des plus importants écrivains italiens, mais encore un peu méconnu, était un écrivain qui écrivait de tous les genres. Et aussi des spectacles, il avait fabriqué, disons, entre guillemets, des spectacles de musique. Hein. Il travaillait avec des musiciens qui étaient à la cour de Mantoue. Donc je dis seulement ça, j'essaie seulement de parler de ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, je me permets de démanteler une certaine idée de commedia dell'arte en tant que comédie. Et quand on arrive, je le fais avec vraiment des petits essais, avec des petits exemples. Si vous imaginez, par exemple, à Naples, entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, le théâtre de la commedia dell'arte était un théâtre qui traitait vraiment tous les sujets possibles. Vous avez les canevas qui ont été conservés par le comte Casamacciano, par exemple, à Naples. C'est une quantité remarquable de canevas qui ont été copiés au début du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, pardon. Ces canevas, ce sont des canevas qui concernent pas seulement la bouffonnerie. Donc la première chose à éliminer, c'est que dans ma tête et dans votre tête, j'espère, c'est que la commedia dell'arte n'est pas seulement le genre de petits masques qui se battent, qui se bousculent, qui est la tradition qui arrive au XIXe siècle. La commedia dell'arte, donc, c'est un genre, c'est plusieurs genres. C'est la comédie, c'est le théâtre joué par les comédiens et fabriqué par les comédiens, distingués et professionnels. C'est-à-dire des gens qui vivaient leur vie en gagnant la vie sur le théâtre. Ça, c'est la commedia dell'arte. C'est-à-dire, c'est commedia, ça veut dire le théâtre des acteurs qui vivaient de leur propre travail. La différence, c'est avec le théâtre des amateurs, il y avait un théâtre très très important, et attention, il ne faut pas imaginer deux systèmes qui sont fermés. Il y a toujours un passage du théâtre des professionnels au théâtre des amateurs. Et quelquefois, il y a des amateurs qui deviennent professionnels, et quelquefois, c'est plus rare, des professionnels qui arrivent à vivre autrement et abandonner la vie professionnelle du théâtre. Donc, vous avez un système complexe qui est presque tout le vrai important théâtre fait jouer sur scène pendant le 16e, 17e et une bonne partie du 18e siècle. Un caractère important, c'est les voyages. Il n'y aurait jamais eu la commedia dell'arte sans le déplacement des comédiens. C'est ça une autre différence entre le théâtre des professionnels, c'est-à-dire le théâtre de la commedia dell'arte. Arte veut dire art, c'est-à-dire arts et métiers, c'est-à-dire la commedia des gens qui appartiennent à la corporation du théâtre. Donc, il y a eu, je fais une autre parenthèse, mais c'était pour dire que, je reviens à mon discours, la commedia dell'arte est quelque chose qui concerne tous les genres littéraires, qui concerne une autre chose importante qui est la, un des caractères, des distinctions de la commedia dell'arte, ce qui a, il y a eu du début la présence des femmes. Ça, c'est quelque chose de, c'est une révolution extraordinaire dans les mœurs et dans la vie culturelle et dans la vie spectaculaire, évidemment. À partir des années 40, à peu près du 16e siècle, les femmes entrent comme protagonistes dans la vie du théâtre. Elles sont des femmes professionnelles. En principe, elles sont, au début, elles sont confondues avec les prostituées. Elles sont considérées comme des femmes qui font l'abominable habitude de gagner l'argent en travaillant. Donc, ce n'est pas acceptable. Et à partir de ce moment, il y a une révolution. C'est une révolution tout à fait italienne parce que il faut attendre le début du XVIIe siècle pour qu'on voit une diffusion progressive des femmes sur scène, des dimensions qu'on avait connues en Italie durant le XVIe siècle. Donc, autre chose très importante, c'est l'émancipation professionnelle des femmes à travers le théâtre. Avec des femmes qui étaient en même temps chanteuses, danseuses et comédiennes, et qui étaient cultivées. Ça, on ne pouvait pas l'accepter, que les femmes étaient tellement cultivées qu'elles pouvaient aussi écrire des livres, des poèmes, etc. Ça, c'est un des caractères les plus importants de cette comédie. Donc, j'ai parlé du voyage. Les voyages est à la base du théâtre, de l'arte. Le deuxième facteur, c'est la présence des femmes. Et je répète encore, c'est un spectacle total où il y avait pas seulement le jeu, le dialogue, mais aussi le chant et la musique. Et ça, on l'oublie un peu trop. Et encore, le caractère métissé de ce théâtre. Un théâtre que, pendant toute son histoire, n'a jamais arrêté d'agréger des différentes traditions en provenance des différentes régions, pas seulement de l'Italie, mais aussi de l'Europe. Et il faut considérer que la commedia dell'arte n'a pas vécu seulement en Italie ou en France. On sait bien que la comédie italienne a pu se développer à la cour de France, mais il faut considérer que les voyages des comédiens italiens dans l'Europe orientale ont été aussi très importants. C'est-à-dire les voyages, au début c'était surtout dans l'Europe centrale, dans les territoires du sud de l'Allemagne actuelle, mais aussi à Prague, mais aussi à Budapest, mais aussi à Saint-Pétersbourg. Et ça ne remonte pas seulement au XVIIIe siècle. Ces voyages ont commencé à la fin du XVIe siècle, se sont développés dans une Europe très unie, bien plus unie que maintenant, dans une Europe unitaire, avec une culture humaniste qui unissait les Italiens, les Français, les Espagnols et la cour de Saint-Pétersbourg, ça au XVIIIe, mais avant encore, c'était la cour de Vienne, et c'était vraiment l'Europe centrale. Donc il faut considérer une géographie de la commedia dell'arte qui n'est pas limitée à l'Italie. Au contraire, c'est exactement la confrontation de la culture théâtrale, je veux dire surtout la culture pratique, physique et linguistique des Italiens, les rapports de cette culture-là avec les autres cultures qui donne la naissance de la comédie dell'arte. C'est toujours un théâtre de confrontation et de tolérance qui prévoit toujours la capacité d'absorber les traditions, la culture les jeux aussi, la conception du jeu et du théâtre qui existait dans les autres endroits, européens. Et d'où vient le caractère de certains personnages qui se trouvent dans la comédie, de ce qu'on appelle la comédie dell'arte, c'est-à-dire des personnages qui ont quelquefois des traits qui viennent de notre pays. Arlequin n'est pas un personnage qui est né en Italie à Bergame, comme disent les nationalistes de Bergame, ce qu'on appelle la Ligue Rouge, des gens comme ça. Ils ne sont pas cultivés, mais il faut les comprendre. Il faut avoir de la pitié. Et donc, lentement, ils vont progresser. Et c'est donc Arlequin. Il n'est pas né à Bergame. À Bergame, ils insistent, et je suis allé récemment, et quand je parle de l'histoire, des documents concernant le premier Arlequin, ils se refusent, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais Arlequin, c'est un monsieur qui vivait à Mantoue. Mantoue, Mantova, est une ville qui a autour autour de soi, disons, dans toutes les directions, plusieurs nuances de langage. C'est une ville où les langages se mêlent beaucoup, les dialectes, si vous voulez, les dialectes du Nord. Mais aussi, c'était une ville où il y avait une cour, il y avait un despotisme, il y avait un duché, en tout cas. En tout cas des Gonzagues, qui étaient très cultivés, où passaient, voyageaient, se présentaient, travaillaient, des artistes en provenance de tous les endroits du monde. Mais surtout, il faut penser qu'Arlequin, c'était M. Tristano Martinelli, quand il a commencé à créer son personnage, il a créé son personnage en voyage. Vraiment. Il est parti de l'Italie, c'est-à-dire de Mantoue, de Mantova. Il est allé en Angleterre avec son frère. Après, il est venu en France, en passant par les Flandres. Et il est venu en France. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait simplement, il a créé un langage métissé. Métissé au point de vue physique, métissé au point de vue linguistique. Donc, il a, en partant de Mantoue, c'est une ville qui a plusieurs nuances dialectales déjà en soi-même, il a commencé à dire, il a passé les Alpes, il a dit, bon, il faut que je construis une relation avec les autres, il faut que je marque, il faut que je fasse un spectacle stupéfiant, mais en même temps pas trop violemment stupéfiant. Donc il a essayé de montrer son langage d'origine, un langage très dur, très lourd, le langage de Mantoue est un langage assez lourd, mais il a rajouté évidemment des traits toscan, avec des petites inflexions toscanes ou vénitiennes, ou aussi des mots et un langage français. Donc il a fait des spectacles franco-mantouan italien, quelque chose comme ça. Mais ça continue jusqu'à nos jours. Si vous avez vu quelques spectacles de Dario Fo, le mélange linguistique a toujours un grand succès. Mais surtout le langage qui n'a aucun sens. Hein. Le langage. La folie linguistique, c'est-à-dire des mots qui ont un son, qui ont une musique, qui possèdent une capacité d'évocation, mais qui n'ont aucun contenu. Et il s'est présenté en France en adaptant son propre personnage aux attentes du public français. Et qu'est-ce que c'est que le public français, en ce moment-là, pouvait apprécier? D'un côté, le spectacle italien devait être pacifique, parce que quand il est arrivé en France, c'est les années 70-80, plutôt la fin des années 70 et début des années 80 du XVIe siècle, la France était troublée par les guerres de religion, troublée par la présence de certains Italiens qui n'étaient pas tellement aimés à la cour de France. Donc il devait en quelque sorte réhabiliter ses origines qui étaient en provenance de l'Orient, c'est-à-dire des montagnes, des Alpes qui étaient entre la France et l'Italie. Donc il devait apporter de la paix, il devait apporter ce que la cour de Catherine de Médicis s'attendait de lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il s'attendait? S'attendait du carnaval, s'attendait de l'harmonie des couleurs, l'harmonie des danses, l'harmonie des pas, l'harmonie des différents langages. Les différents langages du corps et de la langue, des mots, et de la musique et du chant, tout ça, c'était apporté par les Italiens, l'harmonie des couleurs. Et d'ailleurs, il y avait des théories qui soutenaient l'excellence de l'harmonie des couleurs, l'harmonie qui était, de quelque sorte, cette harmonie des couleurs des masques, des couleurs sur l'habit du comédien, des autres comédiens aussi, devait correspondre, c'était en correspondance de l'harmonie du ciel. Il y avait une tendance à l'époque, dans la politique, vous connaissez peut-être ça, là, dans la politique et dans les guerres civiles françaises, une tendance pacifiste qui prévoyait une harmonisation des différences politiques et religieuses par le biais aussi d'une évocation d'une harmonie céleste, du ciel, c'est-à-dire une harmonie des idées. Cette idée néoplatonicienne, d'une certaine façon, qui voulait harmoniser les différences, c'était une tendance qui a eu du mal à s'imposer, parce que vous connaissez mieux que moi l'histoire de France, et il y a eu beaucoup de sang qui a coulé à cause de ça, mais les Italiens étaient vus en tant que... c'était comme des sortilèges qui pouvaient évoquer la paix. C'était surtout la cour de Catherine de Médicis qui soutenait cette thèse, mais les Italiens venaient en tant que personnages qui étaient entre les deux, entre la terre et le mystère. Ils ont beaucoup joué sur ça, parce qu'ils avaient évidemment l'intérêt à gagner beaucoup d'argent, les Italiens. Donc il y avait le but commercial des Italiens, et de l'autre côté, concilier ce but avec le but politique. Ceux qui voulaient que les danses, les théâtres italiens, la danse, le théâtre dansé des comédiens de l'art, voulait que ce théâtre puisse générer, engendrer de l'harmonie dans la vie quotidienne. Harlequin arrive comme ça, il se présente en tant que personnage qui a des traits diaboliques, mais avec son rire, il est capable de concilier toute différence. Cette tendance, cette vocation au dialogue entre les différences, ce dialogue à la base duquel il y a le rire, la musique et la danse, c'est la force de ce théâtre, qui se déplace d'ailleurs en Espagne, qui se déplace dans l'Europe centrale. Et vous savez que l'Europe centrale, dans les années de la première moitié du XVIIe siècle, est une Europe troublée par plusieurs guerres et confrontations. Donc les Italiens traversent cette histoire militaire et violente à la cour de Vienne, à la cour de Budapest, etc., à Lipsia plus tard, mais toujours en évoquant cette idée de dialogue entre les... On dirait aujourd'hui les dialogues entre les cultures. Mais représenté physiquement par un art qui était à un très haut niveau musical, joué, etc. Qu'est-ce que je pourrais rajouter quelque chose pour compléter le cadre? J'ai 5 minutes qui vous menacent. Donc vous avez... qu'est-ce que je pourrais... Le deuxième élément structurel de la commedia dell'arte, ce qu'on appelle commedia dell'arte, c'est la présence des femmes. La présence des femmes, c'est révolutionnaire. C'est quelque chose de révolutionnaire à partir du 1530 à peu près. Il y a plusieurs documents qui sont un peu contradictoires, mais à peu près, il y a les premières femmes qui jouent et qui chantent et qui dansent dans ce théâtre. C'est un épisode assez important de l'émancipation féminine, parce qu'elles sont considérées d'abord comme des prostituées, parce qu'elles vendent leur corps, elles se vendent sur scène, et mais vous comprenez bien qu'un théâtre qui avant était joué dans les rôles féminins par des travestis, un théâtre comme ça, c'est plus excitant. Évidemment, ça a déchaîné des réactions violentes chez les conservateurs, surtout, par exemple en France, au moment où les comédiennes italiennes arrivent dans les années 1580, et quand elles arrivent, elles ne sont pas beaucoup appréciées au point de vue de la morale, mais au contraire, elles vont avoir un succès extraordinaire parce que c'est tout à fait nouveau. Donc l'Italie a cette vertu artistique qui ne correspond pas aux vertus morales de l'époque, c'est-à-dire la création du travail féminin sur scène est très diffusée. Et une des comédiennes les plus importantes, Isabelle Andréini, qui est morte d'ailleurs à Lyon, vous pouvez trouver toujours la plaque qui remémore sa mort sur la cathédrale de Lyon. Je disais que ces femmes-là ont transformé le théâtre. Un théâtre qui était joué sur les contrastes du vieux et du jeune, du patron et du servant, je simplifie, harlequin et pantalon. C'était à l'époque le marchand vénitien vieux et les jeunes travailleurs ouvriers qui venaient de l'intérieur de l'Italie. Donc, un théâtre qui était joué sur ce thème avec des acteurs mâles qui jouaient les rôles des femmes a été complètement transformé au moment où Isabelle Andréini et d'autres comédiennes, parce que Isabelle n'a pas été la première. La première a été signalée à peu près dans les années 40 du siècle. Ils ont voyagé, les comédiennes italiennes ont voyagé dans le monde. Alors ça, c'est voyager en Espagne, ont voyagé dans l'Europe centrale. Bon, là, il y a l'autre révolution importante, la présence des femmes, qui a complètement changé. Vous comprenez bien, quand il y avait un travesti qui jouait la rôle de femme et un homme et les deux étaient des amoureux, ça, la chose était évidemment toujours un équilibre entre le sérieux et le ridicule. Et le fait qu'il y avait ces femmes-là, en plus, c'était quelque chose de époustouflant, parce que des femmes qui chantaient, qui jouaient un théâtre, mais aussi qui étaient en condition de composer des textes magnifiques, qui étaient écrivains. Donc des femmes qui gagnaient la vie en travaillant, en jouant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait créer un monument pour la femme comédienne italienne au XVIe siècle, parce que c'est vraiment l'avant-garde de la femme travailleuse. Mais sans tomber dans des vocations syndicales, il faut simplement dire que les femmes ont transformé ce théâtre. Un théâtre qui était plutôt grotesque est devenu un théâtre complexe. Un théâtre où il y avait la comédie, le jeu musical, le chant joué par les femmes était bien différent du chant joué par les hommes. Un théâtre plus complexe, plus riche, qui de l'Italie est après passé en toute Europe. Et si on suit l'histoire de la commedia dell'arte à travers le XVIIe et XVIIIe siècle, c'est toute une histoire de femmes chanteuses, de femmes importantes dans la dramaturgie. Il faudrait écrire vraiment, simplement, faire une collection de livres sur la femme écrivain du 16e au 18e siècle. Femme écrivain, chanteuse et grande comédienne. Donc là, c'est une autre histoire qu'on peut faire au début du mois de mars, quand il y aura la fête des femmes, et c'est fini pour ça. Merci beaucoup à Ciro Ferrone pour ce rappel historique, et surtout pour le fait qu'il nous incite à ne pas accepter les stéréotypes concernant la comédie, des stéréotypes qui sont encore transmis aujourd'hui en France, d'ailleurs. Je crois là un aperçu. Alors peut-être que je peux poser une petite question à Ciro pour le public, s'il peut très rapidement préciser certains termes qui sont utilisés quand on parle de la commedia dell'arte, qui à mon avis doivent être précisés. C'est le terme scenari, le terme generici, et peut-être lazzi aussi, lazzo lazzi, parce que sous ce terme-là, on met beaucoup de choses. Mm-hmm. Oui, alors je commence par les lazzo. Lazzo, avec une Z ou deux, ça dépend des livres, des sources. Et Lazzo, il y a eu plusieurs explications différentes. L'actio, c'est-à-dire l'action, hein, mais transformée en Lazzo. Hein. Ça, c'est une explication. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Lazzo, dans le quoi? L'actio, latine, le mot latin, c'est-à-dire le moment où dans le théâtre, il y a l'action. Une action qui se place entre un dialogue et l'autre, entre un monologue et un dialogue. Donc, lazzo, en tant que simplement un mot identifiant le moment de l'action, action. Mais il y a aussi une autre explication, c'est lazzo. Lazzo dans le sens du lazzo. Il y a un espagnol, lazzo, hein, lazzo des cowboys, mais lazzo. En ancien italien, lazzo, en tant que lazzo. Pourquoi lazzo? Parce que ce sont des actions, quelquefois sans aucun sens, des actions, justement, des actions physiques, des moments physiques très, très poussés, qui sont utilisés pour lier un dialogue et l'autre. Lazzo, en italien, lazzo. Hein? Et on n'a jamais su donner une réponse claire. Si vous lisez Rico Boni, un grand acteur italien qui a vécu en France la première moitié du XVIIIe siècle, Rico Boni qui a écrit des livres en français remarquables, non très sérieux, mais trop sérieux, mais très intéressant, qui a été étudié par un jeune studioso. Alors lui c'est Francesco. Francesco Riccoboni. Si, je sais, mais c'est vrai. C'est toujours la même famille qui luttait. Luigi. Oui, t'as bien précisé, parce que Francesco Riccoboni, c'est un danseur très important. Mais Luigi, c'est celui qui est venu de l'Italie en France au début du XVIIIe siècle et qui a renouvelé, changé beaucoup la comédie, ce qu'on appelle comédie dell'arte. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'il a donné une explication de ce mot. Donc c'est un mot qui peut être utilisé en tant qu'action, action entre deux parties dialoguées, ou être interprété en tant que lazzo, c'est-à-dire lien entre deux phases différentes du jeu. Mais ça change pas beaucoup, ça ne change pas beaucoup, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une invention à l'impromptu, mais vous savez que l'impromptu n'existe pas. Et c'est-à-dire, et qu'est-ce que c'est que l'impromptu rapidement? C'était le fait qu'au dernier moment, les acteurs choisissaient quelle partie de leur répertoire utiliser pour enrichir la pièce, pour pimenter la pièce, mais aussi pour lier un moment à l'autre. Ça fait partie de la technique du montage, je dois dire, le lazzo, si on l'interprète en tant que lazzo, lien, hein. Mais sinon on l'interprète en tant qu'action, mais c'est pas différent, c'est pas trop différent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est entre une scène et l'autre, une scène dialoguée et l'autre. Generico, c'est le répertoire de chaque comédien, c'est-à-dire le répertoire. Ce n'est pas un répertoire individuel, c'est le répertoire des rôles. C'est-à-dire le répertoire des dieux. Il faut considérer que la comédie de l'art est organisée par paroles. Les vieux, les amoureux et les comiques, les servants. Dans chaque partie, vous avez plusieurs generici. C'est-à-dire, vous avez plusieurs répertoires de monologues, de contes, qu'on pouvait être évoqués, joués par les comédiens qui les choisissaient presque au dernier moment. C'est-à-dire qu'ils avaient un tel répertoire dans la tête, par cœur, de tous ces generici. C'est-à-dire, générico, ça veut dire répertoire générique pour un comédien dans son rôle. Alors vous avez les génériques des amoureux, les génériques des servants, les génériques des vieux. On peut dire comme ça. Si on entre dans les détails, on peut dire qu'il y avait les génériques de Pantalon ou le générique, c'est-à-dire le personnage vénitien, le vieux, ou Poutinelle, dans le personnage de l'acteur qui jouait le rôle du sergent du Sud, de Napolitain. Et qu'est-ce que j'avais. Le scénario. Scénario, c'est pas le scénario. Le scénario, aujourd'hui, on l'utilise pour le cinéma, non? Le scénario. Le scénario, il faut distinguer dans la. Dans tous ces termes-là, vous avez la comédie en entier, c'est une chose publiée dans un texte. Le scénario, c'est la liste des actions qu'on pouvait jouer dans une pièce, divisée scène par scène. En principe, il y a la liste. Au début, il y a la liste des personnages. Ce sont des manuscrits qu'on conserve toujours, mais ils remontent seulement à la fin du 17e siècle, les scénarios les plus importants. Il y a une autre chose à distinguer, les scénarios pour les amateurs et les scénarios pour les professionnels. Mais en général, quand on utilise le mot scénario, si on vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un scénario ? Un scénario de la commedia dell'arte, ça correspond à un sujet cinématographique, c'est-à-dire c'est la liste des actions sans les dialogues. Sans les dialogues. Oh, je ne sais pas si les mots sujet, c'est juste pour la France, mais en tout cas, c'est. Vous avez en Italie quelques scénarios qui sont organisés comme ça. La liste des personnages et les lieux. Où on va jouer les lieux ou le lieu où on va jouer l'action. Et après, les personnages n'ont pas le mot, presque jamais, rarement on trouve le mot qu'ils doivent dire. Et on a les sujets qu'ils doivent traiter. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et à peu près ce qu'ils vont dire. Harlequin entre. Colombine entre. Colombine s'adresse à Harlequin en lui demandant de l'argent. Harlequin lui répond qu'il n'a pas d'argent. En ce moment, in questo, en italien, in questo, en ce moment, il y a Pantalon qui arrive. Pantalon qui bat Harlequin parce que Harlequin lui a volé de l'argent. Colombine tombe en larmes, etc. Vous avez seulement la liste des actions. Quelquefois, des petits mots. Quelques, entre guillemets, aujourd'hui on les publie, entre guillemets, il y a quelques phrases, mais en principe il n'y a que ça. Donc vous avez dans un scénario, vous avez un scénario ou caneva. Ecco, magari qui vediamo di creare un attimo un dibattito su questi elementi. Donc, vous avez compris, la commedia dell'arte c'est un dispositif complexe, en réalité c'est un système de fonctionnement qui englobe plusieurs éléments. Ce n'est pas un terme qui définit donc simplement un genre spécifique. Et parmi ces éléments, il y a des questions qui nous intéressent tout particulièrement. Les voyages, donc les rapports entre l'ici et l'ailleurs. La question d'un certain héroïsme féminin, donc les actrices et les personnages que cette actrice incarne, après on le verra dans le théâtre goldonien. Il y a la question de la langue, donc du dialecte et de la langue italienne, et la question du plurilinguisme. Il y a la question aussi d'une structure économique, donc du rapport après de l'auteur par rapport à un système des productions théâtrales, et pas simplement une référence culturelle à son époque, mais aussi un système de fonctionnement. Comme Ciro disait, c'est un théâtre professionnel, donc c'est un théâtre qui vit du métier d'acteur ou d'auteur théâtral. Pour revenir à la structure, donc, soggetto, canovaccio, commedia distesa, j'aimerais avoir l'intervention d'autres collègues. Pierre Mario, je ne sais pas si tu peux justement positionner ces choses par rapport à l'écriture goldonienne après. Et je demanderai à Anne d'intervenir pour la troisième étape après, celle du passage au livre. Donc pour avoir justement ces trois éléments, comment ça se structure-là pour aborder le reste. Passo all'italiano perché lo sforzo di pensare in francese toglie anche quel poco che posso raccontarvi. Allora, intanto il mio punto di partenza, siccome ha appena parlato Sino Ferrone, sono le cose che ho imparato da lui sul rapporto di Goldoni con la scrittura dei comici dell'arte. Diciamo scrittura anche se i comici dell'arte componevano all'impronta, come è stato detto, che è l'ingresso in un sistema artigianale. La parola arte, artigianato, qui sto citando Ferrone, gli artigiani si tramandano a lungo i segreti di bottega. Goldoni, che non viene da questo mondo, che non è un figlio d'arte, non è uno scrittore di quelli normali che scrivono a tavolino delle cose come noi siamo o come molti letterati del suo tempo, è un uomo di provenienza diversa che entra nel sistema dell'artigianato e quindi reagisce, e credo progressivamente, ma sul progresso poi penso dirà Anna, quindi io mi trovo in mezzo a queste due cose nella messa a punto della sua scrittura. Allora, riprendendo un po' di termini che abbiamo già sentito e che adesso Andrea ha rilanciato, il termine soggetto è un termine molto diffuso nel lessico teatrale, non solo dell'Europa tra la fine del Cinquecento e l'età di Carlo Goldoni. Lo usano, per esempio, prendiamo il credo il più importante, il più strano trattato di come si scrive per il teatro commerciale, che è l'Arte Nuevo de Hacer Comedias, l'arte nuovo, qualcosa dunque differente dall'ars poetica di Orazio. Questo ha molto a che fare col teatro comico di Carlo Goldoni, quindi vi cito questo testo perché il teatro comico è uno dei testi di vostro, no, riferimento. Cosa fa Lope? Lope propone un trattato per la scrittura di quel teatro che non sta nei libri ma che va fatto davanti al pubblico e che quindi ha delle regole. Lope parla del pubblico spagnolo, ma funzionava così per tutti i pubblici d'Europa. Dice: uno spettatore vuole sentire tutta la storia, dalla creazione del mondo fino al giudizio universale, se no volta le spalle e se ne va fuori dal teatro. Quindi quando io scrivo delle pièce di teatro, chiudo Plauto, Terenzio, Aristotele, Orazio fuori dalla porta e lascio che urlino e che gridino, perché il mio interesse è un altro. Ecco, dentro l'Arte Nuevo di Lope c'è un passo dove Lope dice che lo scrittore di teatro, prima di scrivere dettagliatamente un'opera, deve scrivere, e usa la parola sujeto, soggetto. Il soggetto eletto, la storia che vuole raccontare, dice, lo scrittore lo scriva in prosa e lo divida in tre atti di tempo, cioè che abbia una scansione scenica. Allora, i tre atti di tempo di Lope col soggetto sono la stessa cosa che fanno i comici dell'arte, non c'è nessuna differenza. La differenza è che Lope de Vega, che scriveva commedie, non faceva l'attore di professione, le vendeva alle compagnie spagnole, cito Lope perché ne ha scritte una quantità industriale, il più prolifico autore della storia del teatro dell'Ancien Régime, ma la stessa cosa li facevano gli attori. La differenza è che l'autore scrive tutte le parole, o quasi tutte le parole, e gli attori italiani, specialmente gli attori italiani, si scrivono la parte, si inventano la parte a cavallo, come è stato appunto raccontato adesso, di quella pratica, di quella lenta digestione che riferiamo alla parola generici, tutta quella cultura che gli attori si mettono da parte per il loro ruolo, per la loro caratteristica, eccetera, i lazzi, questi repertori qui, e la capacità poi di ovviamente ricondurre tutte le trame, tutte le storie, che sono le più diverse, possono essere tragedie, tragicommedie, eccetera, questo sistema. Allora, anche dentro ai racconti dei drammaturghi della loro scrittura, ce n'è anche in Goldoni, trovate un passo, adesso la mia memoria vacilla, non ho appunti preventivi, però c'è una pagina dei memoir dove Goldoni racconta come scriveva, uso l'imperfetto, le commedie. Perché? Perché poi Goldoni, man mano che impara, supera queste operazioni. Oppure abbiamo una pagina di Carlo Gozzi che racconta le stesse cose, abbiamo una pagina di Vittorio Alfieri, ma probabilmente ne troviamo in tutta Europa. Allora la modalità è sempre questa: scrittura, elezione di un argomento. Ecco, per questo all'inizio di uno scenario noi troviamo l'argomento, uno si chiede, ma perché Flaminio Scala, che poi ci racconta, ci dà tutto lo scenario come è stato raccontato adesso da Ciro Ferrone nella sua occorrenza scenica, ci racconta anche l'argomento. Ecco, l'argomento è una cosa diversa, non è quello che lo spettatore vede in scena, è la trama generale della storia. Una storia può cominciare con un pantalone che ha 64 anni, racconta quel giorno, le 8:30 di sera, tutto quello che succede prima viene raccontato nell'argomento. E l'argomento veniva letto, ci dicono, da un signore che si chiamava concertatore, parola che adesso è stata usata, che leggeva ad alta voce, raccontava, dirigeva le prove, quindi raccontava la storia. Ecco, poi abbiamo una successione scenica per atti e scene, anche se molto sintetica, della trama, e dopodiché gli autori cominciano a scrivere le battute e a versificare, cosa invece che gli attori fanno da soli. Quindi il sistema degli attori, il sistema degli scrittori non sono dei sistemi così lontani in fondo, c'è solo una differente divisione del lavoro. Ecco, poi magari nelle puntate successive potremmo vedere meglio come Goldoni si appropria di questo sistema e come reagisce alla cultura degli attori, quegli attori che sono creatori di parti insieme all'autore. Sono creatori di parte perché naturalmente Goldoni parte dalle caratteristiche fisiche degli attori che ha davanti. Non esiste il pantalone rappresentante della borghesia veneziana, dell'ideologia veneziana, c'è un grandissimo pantalone che si chiama Cesare D'Arves, che Goldoni trova al Teatro di Sant'Angelo, e quindi quell'attore è centralissimo nelle sue trame. Quando Cesare D'Arves se ne va, il pantalone diventa un ruolo minore. Poi Goldoni trova delle grandi donne, Caterina Bresciani più avanti, eccetera, eccetera, che gli fanno costruire in un determinato modo i suoi personaggi. Ecco, addirittura, poi casomai questo mi piace molto, se riusciamo a tornarci, è interessante, nella seconda puntata della trilogia della villeggiatura, Goldoni scrive addirittura per l'attrice una battuta in cui l'attrice dice: rinuncio a recitare quello che l'autore ha scritto per me. È una cosa straordinaria, trovo. Canovaccio, poi mi taccio. Ecco, canovaccio è una parola in realtà francese, caneva, che in francese funziona perfettamente, credo anche per voi. Voi chiamate caneva degli appunti, una scaletta, e torniamo al discorso di prima su cui fate un discorso, eccetera. Credo sia una parola inventata per la commedia dell'arte da Luigi Riccoboni, e che poi adopera anche, ma qui potete contraddirmi, bisogna fare qualche ricerca. In italiano canovaccio non significa niente, che cos'è? Lo strofinaccio per asciugare i piatti. Ecco, in francese caneva è una la stoffa su cui si ricama. E qui troviamo un'altra metafora che poi troveremo nel Goldoni, quello che sta per partire per Parigi, il disegnatore. Ecco, c'è qualcuno che concepisce appunto una base e qualcuno che poi ricama o disegna, e questo è. Poi canovaccio l'abbiamo tradotto in italiano, e adesso i francesi sentono nelle scuole di teatro, in altri luoghi, ma forse anche voi, adoperano l'italiano canovaccio, anche parlando in francese, quando caneva è in partenza una parola. Questo lessico è molto ricco, e credo che adesso però andiamo in questioni, non vorrei confondervi con questioni specialistiche, però in realtà lo specialismo, a volte, anche prima si parlava di cos'è il lazzo, cos'è la cosa, ci riconducono a dati materiali, a dati che hanno a che fare con questa cultura artigianale, questa cultura di cose, che è importante, credo, per capire come funzionavano queste cose. Posto, intanto mi fermo. Sì. E poi casomai torniamo. Sì, lasciamo alcune cose in sospeso su quale ritorneremo, e penso che alcuni colleghi vorranno intervenire, e vediamo invece qual è la differenza tra un testo recitato e un testo di stampa, e quindi in che modo Goldoni, quali sono i macro cambiamenti che può adoperare in questa evoluzione, Anna, se ci... Io spero di non rendermi responsabile di Lesa Maestà se non do risposta a questa domanda, che è troppo impegnativa, e tanto per assecondare un po', si sente, mm-hmm, il movimento del dialogo che dovrebbe esserci appunto in una tavola rotonda, volevo tornare su alcune questioni crucialissime che ha messo in campo Siro, su cui poi è tornato Pier Mario, e in particolare la questione terminologica, perché noi ragioniamo di commedia dell'arte e poi la coppia prevede commedia dell'arte e riforma. Allora vorrei provare, mi sentite, parlo troppo velocemente, capite? A mettere così, ricordare alcune questioni terminologiche che forse ci consentono di capire per altra via che rapporto c'è stato tra la commedia dell'arte e Goldoni e la sua presunta riforma. Allora, Siro giustamente ricordava come il termine commedia non ha niente a che fare con quel genere rappresentativo comico che da definizione aristotelica comporta determinate modalità. Commedia effettivamente è non solo, per quanto sia tardiva l'espressione commedia dell'arte, è un termine che all'interno del gergo attorico significa quello che in francese vale pièce, cioè significa una categoria rappresentativa onnicomprensiva. Così come arte, si ricordava giustamente, vale appunto ars, quindi tecnica, mestiere, conoscenza, padronanza di quell'insieme di tecniche che conducono a realizzare un artefatto. Allora, io volevo sottolineare due cose riguardo alla questione commedia, questo significato particolare del termine commedia. Innanzitutto che appunto si tratta di un utilizzo interno alla professione attorica, così come già interno alla professione attorica è l'espressione commedia dell'arte. Si dice che la prima attestazione risalga a metà Settecento, in particolare al teatro comico di Carlo Goldoni. In realtà è un'espressione che ricorre già in alcuni scritti dei comici dell'arte stessi, in passato per lo più e anche fino a tutto Settecento invece che di commedia dell'arte si parlava di commedia all'improvvisa o di commedia all'italiana ancor più, però era diffuso anche mi viene in mente un importantissimo trattato di comici dell'arte, cioè la supplica di Niccolò Barbieri, che era naturalmente un grandissimo attore, oltre che autore, e nell'interno di questo trattato, che risale ai primi del Seicento, l'attore Barbieri in arte Beltrame scriveva, scusatemi, leggo senza potervi far vedere il testo, ragionando della commedia, ecco quindi il termine chiave commedia, non intendo trattare del poema definito da Orazio, Aristotele ed altri, ma intendo parlare della mia professione. Per quanto sotto questa voce di commedia voglio sempre inferire l'arte in genere, e l'arte attorica appunto, qual rappresenta tanto commedie quanto tragedie, pastorali, tragicommedie, pescatorie ed altre opere miste. Ora, quindi ribadisco quello che ha già detto Siro e però faccio al tempo stesso presente che questo valore di commedia era, il valore semantico di commedia come categoria rappresentativa onnicomprensiva, vale anche presso non solo gente del mestiere, attori di mestiere, ma vale anche presso gli autori di mestiere. Pier Mario citava Lope de Vega e non a caso il suo straordinario, rivoluzionario trattatello si intitola Arte Nuevo di Ser Commedia se in este tiempo. Commedia anche in Lope de Vega significa questo, ma per arrivare al dunque, commedia ha questo valore anche in Carlo Goldoni. Adesso non entro nel dettaglio delle testimonianze possibili che trovate in qualcuno dei miei scritti, però certamente con me, Goldoni quando parla, non quando deve meditare su che titolo, che categoria, con quale categoria definire i testi che manda a stampa, ma quando parla con il suo datore di lavoro Vendramin o quando carteggia con altre persone del mestiere, usa indifferentemente il termine commedia, tanto in riferimento a testi tragicomici, che appunto o anche tragici in alcuni casi, quanto in riferimento a testi comici. Questo salto mortale per dire che cosa? Per dire che questa capacità di esercitare l'arte della commedia lungo uno spettro rappresentativo amplissimo forse comporta la vera riforma che Goldoni compie, che è una riforma di statuto autoriale. Non nel senso che Goldoni fa la lotta contro le maschere e riafferma le ragioni dell'autore al di sopra di quelle dell'attore, ma esattamente il contrario. Cioè Goldoni, ed è quello che per altre argomentazioni, per altre vie argomentative suggeriva Pier Mario adesso, arriva a introiettare quello che è lo stile compositivo dei comici dell'arte. C'è una pagina bellissima su cui io avevo cominciato a ragionare esattamente 20 anni fa, di quello che è considerato tutt'oggi, in parte a ragion veduta, in parte assolutamente a torto, come il peggior nemico di Goldoni, e cioè Carlo Gozzi. Una pagina stupenda del teatro comico all'Osteria del Pellegrino, in cui Gozzi, il solitario, e i suoi amici granelleschi assistono all'arrivo di un mostro veramente deforme, e che sarebbe naturalmente Goldoni stesso, e lo rappresenta in un modo singolare. Non so se ho la possibilità di leggere questa pagina. Sì. Perché credo che potrebbe essere il punto di partenza per una riflessione non convenzionale sulla grandezza di Goldoni. Allora, scrive Gozzi. Appunto, sono i granelleschi, questi conservatori apparentemente tali, riuniti in osteria, e descrive l'arrivo di un mostro. Quali sono le caratteristiche? Le vestimenta, i vestiti, erano cangianti. Nuova e strana cosa era il capo, poiché aveva 4 facce con 4 bocche, 4 nasi e 8 occhi. Uno di vista corta, 3 cispi, 4 rovesciati, e per tutto 4 bocche ragionava. Non vi direi in 3 anni i discorsi che faceva al popolo, che gli si affollava d'intorno con quelle sue 4 bocche. Con una il popolo diceva questo, questo e quest'altro. Naturalmente il mostro è il poeta comico che propone al pubblico i suoi vari generi rappresentativi. Con una bocca diceva alcune cose. Il popolo faceva un gran picchiare di mani nel principio a tanta novità, ma perché per costume i popoli si cambiano a poco, cominciava la noia e il sbavigliare ed era abbandonato. Colui si accorgeva della sventura, il mostro, e spalancava un'altra bocca, e via, altre storie, altri racconti, eccetera. A tale cambiamento le genti si aggruppavano di nuovo, l'applauso e il picchio si rinnovellava. Non andava però molto tempo che la freddezza e i sbavigli e l'abbandono era a campo, tornavano di nuovo. Il mostro apriva ben presto la 3ª bocca, fingeva personaggi eroici di paesi lontani, di costumi e di leggi non conosciute dal popolo, e qui con le novità faceva nascere curiosità nella gente, la quale si ravviluppava di nuovo. Bastava la nuova forma perché gli applausi erano pronti, come anche a poco era pronto il tedio e l'abbandono. Il mostro prestamente spillava la dottrina dalla 4ª bocca e altre storie e altro successo. Tanto faceva che il popolo innalzava di nuovo le voci e accorreva, e poi continua a lungo la pagina. Però insomma, questa immagine che sembrerebbe molto rancorosa, in realtà, come spesso capita a Gozzi, attraverso il rancore suggerisce al nostro strabismo retrospettivo di mettere a fuoco meglio le questioni. Goldoni è un mostro nel senso etimologico del termine, cioè anche proprio un monstrum, un essere leggendario, perché è capace di produrre una varietà repertoriale che, guarda caso, corrisponde proprio all'amplissimo ventaglio rappresentativo che era proprio della commedia dell'arte. Quindi, sotto questo punto di vista, e come vedete sto sconfinando in altre voci, fra l'altro rifiutando, cioè, non rispettando il mandato che mi era stato dato, si intersecano appunto altre coppie, come per esempio innovazione e rottura, e così via dicendo. Ma mi fermo qui, poi più tardi, se volete, sì, ritorno anche sulla questione gigantesca del libro. Scusa Andrea, faccio una piccola parentesi per dire al pubblico che il testo che ha letto Anna lo potete trovare in francese, tradotto da Ginette Perry, nel volume sul Carlo Goldoni, il teatro comico, eccetera, pubblicato da Antimorina. Allora, diversi elementi con diversi termini, quindi il termine di riforma, immagino che qualcuno voglia intervenire, ma il termine anche di generi diversi, tragicommedia, commedia esotica, commedia di carattere, commedia spettacolare, quindi vi invito a reagire in modo tale da completare le serie. Prima però c'è stato un termine che necessita forse una spiegazione, volevo vedere se qualcuno voleva aiutarci, quella di parte e ruoli, e quindi definire cos'è la differenza nel lessico della struttura della compagnia tipica della commedia italiana, la differenza tra parti e ruoli. Qualcuno vuole intervenire? Enfin, c'est pas moi sur part et rôle, parce que je crois qu'il y en a d'autres, mais je voulais juste donner une toute petite précision ou poser une question pour les étudiants. On a parlé de l'argomento de Flaminio Scala en particulier. Oui. Il n'y en a plus chez Goldoni, il y en a très très peu, enfin il transforme ça dans les préfaces, etc. Chez Flaminio Scala, qui est donc cet auteur du début, du premier tiers du XVIIe siècle, qui écrit un recueil où il rassemble tous ses sujets, soggetti, mais ce recueil s'appelle le Teatro delle Favole Rappresentative. Et là, il y a un terme qui est important, je crois, qui est favola, parce que justement, il donne l'argomento, et cet argomento, quand on le lit, on voit que c'est surtout, il concerne l'antefatto, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant que la pièce ne commence. Et donc, il y a ces différences qu'il faut bien marquer, parce que c'est important aussi, c'est-à-dire que ce sont des récits qui dépassent même simplement la structure dramaturgique, où derrière, il y a aussi une histoire. Et il faut bien distinguer, toujours au théâtre, entre l'histoire des personnages, qui peut être quelque chose qui s'est déroulé avant qu'ils entrent en scène, et la fable, on appelle aussi intrigue. Parce qu'il y a tous ces mots-là qui sont, je pense, maintenant bien ancrés chez vous, mais il vaut mieux le rappeler. Et puis pour commedia, si on me confirmera, c'est vraiment très important d'avoir cette idée que ça désigne quelque chose de beaucoup plus vaste que le genre. Par exemple, à Florence, le théâtre, c'est-à-dire le lieu physique où se passe le spectacle, s'appelle le Grand Salon, le Sansone, les commedies. Et vous avez quand même la même chose en français. Parce qu'en français, la comédie française, c'est le théâtre d'abord. Et la comédie italienne, c'est le théâtre qui voyait les spectacles. Donc là, entre le terme générique et le genre, c'est très très important, même juste pour ancrer. Non, mais en France, on parle de comédienne, oui. C'est la terre, donc Alors, il y aura ça. Pas en italien, mais vous avez le mot comédienne. Franco. Provo a semplificare la questione, parte ruolo rispondendo alla soddisfazione di Andrea. Direi che il ruolo è qualcosa che corrisponde, poi se mai Siro mi corregge, direi che il ruolo è qualcosa che va visto all'interno della compagnia. Parte è qualcosa che si riferisce al testo, quel testo particolare che la compagnia mette in scena. Il ruolo sono proprio le gerarchie all'interno della compagnia. Primo attore, secondo attore, generico, che corrispondono che poi corrispondono a dei personaggi, a delle parti all'interno del testo. Vengono spesso a coincidere perché il testo è scritto per una compagnia, quindi deve tener conto dei ruoli. I testi goldoniani sono scritti in questo modo, cioè abbiamo all'interno di ogni commedia la parte di Florindo, la parte di Rosaura, la parte di Pantalone, che sono scritte per quegli attori che dentro la compagnia hanno quel ruolo, no? Quindi ci riferiamo a due realtà diverse, no? la compagnia e il testo, che però poi naturalmente nello spettacolo vengono a coincidere. Io volevo solo aggiungere la questione, non la risolviamo oggi, e dobbiamo anche capire che nel corso dei secoli c'è stato uno slittamento continuo per comodità varie nell'uso delle parole, quindi è difficile stabilire una lettura ne varietto assoluta. Di volta in volta si fanno degli accomodamenti. C'è l'espressione in italiano di non avere parte in commedia, che è un'espressione metaforica per dire che in un governo, immaginate, in qualunque governo, quel ministro non avrà nessun ruolo. Cioè un'espressione, oppure un figlio che dice, ma insomma io in casa non si dice molto, però si poteva dire, non ho una parte in commedia. Cioè è un'espressione ormai metaforica, la parte, la commedia. Quindi bisognerebbe di volta in volta, e questo è un processo che lo storico deve fare, adeguarsi all'uso che è in forte evoluzione, sia nelle parole che nella pratica. Esiste un scenario di Flaminio Scala che si chiama Alvida, A maiuscolo, L apostrofo Alvida. In questo scenario succedono cose incredibili. Ci sono dei personaggi che si travestono da tigre e da leone, ci sono delle scene buffonesche, proprio ci sono delle vere e proprie scene da clown. Poi improvvisamente arrivano gli eserciti, rapiscono i bambini, appaiono delle bestie feroci, una tigre e un leone che allattano i bambini abbandonati. Voi capite che questa cosa, come possiamo chiamarla commedia? Infatti appartiene al teatro delle favole rappresentative di Flaminio Scala, però quando Flaminio Scala, essendo profumiere a Venezia, segretario particolare di Don Giovanni dei Medici e attore, si spostava in giro per il mondo, vedete, facevano due o tre lavori questi attori, erano tutti tra virgolette amateur da un certo punto di vista, in realtà erano dei grandi professionisti che si arrangiavano, ma è la grandezza della cultura non solo teatrale dei secoli alti, Ancien Régime, che vede la intrusione di più mestieri l'uno nell'altro, quindi come si può parlare di professionismo, eccetera. Quando Flaminio Scala scrive queste favole rappresentative, riempie di quelle che oggi noi chiamiamo tragicommedie, ma siamo vittime di un incasellamento che è stato fatto dopo. L'hanno fatto loro, cioè i francesi, che sono straordinariamente utili, fondamentali per la civiltà moderna. Noi siamo tutti francesizzanti. Però con la Comédie Française, tac, gli italiani sono stati buttati in un angolo. Gli italiani sono i buffoni. Guardate che anche la difficoltà di accettare Vittorio Gassman come attore tragico è esistita, perché Vittorio Gassman è quello della commedia all'italiana. C'è un punto di vista in sostanza comprensibile, favorito dagli stessi fautori italiani, che fa sì che tutta la storia del teatro italiano, quindi la cosiddetta commedia dell'arte, sia considerata comodamente commedia. In realtà è teatro totale. È chiaro che quando esiste in Francia la Comédie Française e bisogna distinguere, gli italiani devono stare da una parte, devono fare il teatro farsesco, buffonesco, è la sofferenza eterna del povero Ricco Boni, è tutta una vita distrutta da questo. Ricco Boni è morto infelice perché ha tentato tutta la vita di fare anche la tragedia, e no, tutti lo ributtavano sempre a fare la commedia. Ora, io ho semplificato, ma intendo dire che c'è una, a sua volta, semplificazione è stata fatta sul tema. La cosiddetta commedia dell'arte è veramente, fu tragedia, fu melodramma, e anche la parte musicale è molto trascurata, un po' perché si sono perse in gran parte, quasi totalmente, le musiche fino a un certo punto, ma è tutto il grande teatro napoletano tra 6 e 700, una cosa straordinaria in cui i cosiddetti comici facevano di tutto ed erano cantanti, erano certamente, non erano cantanti di altri, qui però il professor Fabiano ne sa molto più di me, quindi potrebbe essere lui a parlare, ma c'è un equivoco in sostanza, no? Perché fa molto comodo, soprattutto, mi permetto di dire, dal punto di vista della organizzazione dei generi e dei teatri, faceva molto comodo l'organizzazione dei teatri e dei generi in epoca di Louis XIV e dopo, considerare gli italiani, perimetrarli in un quartiere latino che era quello della commedia dell'arte. In realtà facevano altro, e questo è stato naturalmente la forza straordinaria della organizzazione culturale, dell'organizzazione culturale e intellettuale del sistema francese, è stata tale che i poveri miserelli attori italiani sono stati, come dire, anche giustamente, perché non erano capaci di fare altrimenti, reclusi in un certo modo. Chi li ha riscattati, se mi permetto un'uscita di tema, però vi può interessare, chi li ha riscattati in qualche modo e ne ha raccontato la storia ironicamente? Nient'altro che Carlo Collodi, che racconta la storia di un burattino, cioè di una maschera, di un personaggio schematico della commedia dell'arte, e lo fa diventare poi alla fine un bravo bambino. Nel momento in cui in Italia si realizza l'unità d'Italia, ecco che questo sogno favoloso del riscatto della commedia burattinesca si realizza in un romanzo, ma è una finzione, una fiction, che però indica come nella cultura italiana questa consapevolezza sia sempre stata profonda. All'inizio del Novecento Mascagni mette in scena una bruttissima opera che proprio viene rappresentata in 8 teatri italiani, Le maschere italiane, in cui rappresenta musicalmente una storia, una vicenda di maschere. Ha un successo notevole presso il governo italiano, il quale è il primo a identificare, la monarchia italiana è prima a identificare questo teatro delle maschere come il teatro della grande commedia dell'arte, facendone appunto il melodramma di Mascagni. Cioè, in realtà, mi sono permesso questo excursus per dire che da una parte è vero che c'è chi ci ha messo nel ghetto del comico puro, ma gli stessi italiani, oltre che con i ministri e i governi che si sono succeduti, hanno avvalorato in molte circostanze questa cosa. Ecco, quindi è un gioco ambiguo in cui siamo tutti partner di una scelta che però noi dobbiamo culturalmente, storicamente smontare, non per negarla, perché poi le cose si affermano in un certo modo ed esistono così, no? le visioni del mondo, ma per scoprire quello che fu il vero processo, un processo in cui eccetera eccetera. Marzia, a piedi, voleva intervenire? No, volevo provare, molto forse è utile, a mettere a punto, a proposito delle molte cose che sono state dette su queste etichette drammaturgiche, 2 o 3 questioni teoriche in modo molto schematico, perché voi dovete leggere una serie di testi che sono, che ne so, il teatro comico, le villeggiature, la bottega del caffè o il genio buono e il genio cattivo, che sono diversissimi fra di loro, no? Nelle, proprio come tipologia drammaturgica. E allora volevo, riprendendo uno spunto che già Andrea aveva suggerito, mettere sul tavolo un'altra questione fondamentale, che è quella della relazione fra spettacolo e libro, copione e testo a stampa, richiamando metodologicamente un fondamentale sacro saggio del professor Ferroni che si chiama Scrivere per il teatro, dove c'è questo concetto che vi può essere utile e che è, come dire, intuitivo ma utile da riprendere, fra drammaturgia preventiva e drammaturgia consuntiva. Cosa voglio dire? Quando Goldoni scrive per lo spettacolo, si riferisce a un repertorio, che è un altro termine molto molto importante da considerare, di generi, linguaggi, pièce, intrecci, presenze di attori, tradizioni spettacolari, e di lì parte, lavora, scrive in relazione a diverse compagnie, all'interno di diversi teatri. Questa è tutta una storia che vi studiate, cosa significa lavorare nelle varie fasi della sua carriera per il Teatro San Samuele o per la Comédie Italienne a Parigi. E compie un certo percorso, quello della cosiddetta riforma, che è nella sua realtà storica un percorso contingente, occasionale, che si sviluppa lungo la strada aprendosi varie possibilità, largamente sperimentale, e che poi, come sapete, a posteriori viene storicizzato secondo una specie di linearità progressiva, mirata, provvidenzialistica, costruendo tutto questo discorso della riforma, che è così strettamente intrecciato alla sua anche a un percorso biografico, alla costruzione di un autoritratto di autore, come diceva Anna Scannapieco, che è uno degli elementi proprio discriminanti di questa novità goldoniana. Questo percorso ovviamente non è stato assolutamente rettilineo e così conseguente e strategico come lui ci racconta a posteriori. Se voi leggete il Teatro Comico, che come sapete è un testo programmatico, un manifesto in cui si delinea un progetto molto, molto stretto, molto contingente, legato alla collaborazione con la compagnia Medebach e il Teatro Sant'Angelo, trovate una serie di perentorie affermazioni che poi vengono assolutamente contraddette dalle tappe successive della storia, per esempio quella di scrivere in prosa e non in versi, di adottare il verosimile, di rinunciare a una serie di orpelli spettacolari. Allora, il luogo della ricomposizione teorica di una serie di, e anche degli aggiustamenti di tutta questa serie di passi falsi, sono i libri, che a un certo punto lui decide di scrivere, compiendo un passaggio molto importante e molto moderno del suo percorso di autore, perché c'è tutta una prima fase della storia in cui lui proclama addirittura: io non scrivo per le stampe, scrivo per le scene, e quindi non mi interessa affatto della forma letteraria dei miei testi. E poi c'è un momento, che è il 1750, in cui un progetto autoriale di stretta collaborazione con un teatro e con una compagnia presuppone anche la collaborazione stretta con uno stampatore per comunicare i contenuti di questo teatro anche a un pubblico più ampio, diverso di lettori. E questo comporta tutta una serie di passaggi e di aggiustamenti e di definizioni e di riordini che appartengono alla sua storia editoriale. Una storia editoriale che gli studi degli ultimi 20 anni, che rappresentiamo in qualche modo una campionatura, hanno proprio approfondito e analizzato, ricostruendo in molti casi una filologia, una dinamica testuale che è molto interessante per capire come lavorava Volpone. Molti testi sono nati come A Bottega del Caffè, nasce come Caravaggio, dove all'inizio certi personaggi sono delle maschere, poi finisce in certe edizioni confezionata in un certo modo e lì etichettata, e è lì che i testi diciamo trovano le loro definizioni: commedia, tragicommedia, commedia di carattere, tabernaria, commedia di intreccio, e vabbè, e qui mi fermo, ma volevo diciamo aggiungere questo elemento che è abbastanza importante, appartiene a un riordino a posteriori, che è quello attraverso il quale poi ci arriva Goldoni e attraverso il quale poi si sono compiute certe banalizzazioni, certe semplificazioni, che ora, con tutto il lavoro che è stato fatto intorno all'edizione critica, Marsilio, delle opere, sono state abbastanza rivisitate. Sur deux petits points, en enchaînement avec ce que vient de dire Marcia, effectivement, si la réforme apparaît dans les discours postérieurs de Goldoni comme un projet né très tôt, presque comme une vocation, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça a été expérimental et empirique d'un bout à l'autre avec des réajustements constants. Et un terme manque pour l'instant dans nos discours, c'est celui du public. À quoi se réajuste Goldoni? D'une part, les acteurs, bien sûr, qui changent selon les troupes et qui changent selon les moments et selon la nourriture qu'ils leur apportent pour la scène, mais il y a les spectateurs. Et entre 1748, où il rentre à Venise et travaille pour le Théâtre Saint-Ange, jusqu'à 1760, où il part du Saint-Luc, du moins en présence physique, il y a un nœud de changement des temps et des spectateurs qui est absolument spectaculaire. Enfin, dans les contre-coups, dans les comédies, ils sont spectaculaires, si on veut. Ils n'arrêtent pas de s'ajuster aux choses. Et le passage du Théâtre Sant'Angelo au Théâtre San Luca est un de ces moments nodaux, si vous voulez, dans lesquels à la fois le public change de goût, et c'est pas seulement lié à la concurrence avec Chiari, mais c'est lié en partie à cette concurrence avec l'abbé Chiari, et où aussi la conception que l'État se fait du théâtre dans la République de Venise et dans la capitale de Venise, dans le dominant, change. On passe d'une politique... Enfin, disons que les gouvernants qui étaient touchés par les Lumières, hein, par la philosophie et la politique des Lumières, n'ont plus, je ne sais pas pourquoi, il faut étudier, de rôle incitatif et actif. Ils deviennent minoritaires. Et ce sont les conservateurs qui prennent le pas sur les illuminés, si vous voulez, mais au sens italien du terme, les illuminati, les gens des Lumières, disons. Et à ce moment-là, ce qu'on demande au théâtre, c'est purement et simplement du divertissement. Et l'indice de ça ne se passe pas d'ailleurs exactement à Venise, mais se passe pendant l'été 1754 à Modène, où se systématise une querelle sur ce qu'est la vraie comédie, la vera commedia, cos'è la vera commedia, avec toutes sortes de textes théoriques et polémiques à l'infini, en général contre Goldoni, qui proviennent de l'Académie des Dissonants, qui met ça en importance, de Modène, qui favorise la politique du duc de Modène, qui change, c'est un mécène, un grand mécène, hein, François III de Modène, il change de politique, il demande un théâtre désormais de consensus par le divertissement. Pas forcément seulement par le rire, qui pouvait être critique chez les comédiens de l'art, mais par le divertissement. Et le divertissement est aussi large et encore plus large, peut-être, que le panorama que couvrait la comédie dell'arte. Ça, c'est une chose essentielle, voir comment les comédies, dans ce qu'on appelle les faiblesses ou les valeurs retrouvées, etc., sont l'écho de changements qui sont dans la société, qui sont dans chez les intellectuels, le clivage entre les intellectuels. Il change, ça change un peu. Bon, je ne peux pas développer tout ça, j'essaye d'en parler dans la biographie de Goldoni que je suis en train d'écrire, et en X volume, enfin, ça c'est pour le volume 4e, il n'est pas encore sorti. Bref, n'oubliez pas dans l'étude des pièces la question du public. Il reste pour vous un grand point d'interrogation, bien entendu, mais il faut lui faire une case vide, même si elle reste vide, je veux dire, dans les comparaisons que vous pouvez faire entre les pièces. Ce n'est pas une évolution de la pensée de Goldoni dans sa tête, et même dans sa tête sur le plateau, avec les acteurs, si vous voulez. Il y a des tas d'autres éléments qui interfèrent, et qui sont comme toujours des éléments de la société, hein, et du pouvoir, bien sûr. Et l'édition entre dans ce grand mélimélo, pour nous mélimélo, parce que nous manquons de données précises, et nous ne sommes plus en train de vivre cela. Et qui vivait avec conscience à l'époque, je n'en sais rien. Bon, bah, d'autre part, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de la comparaison entre le système français et le système italien et de la catégorisation des choses théâtrales, etc. La France a eu le bonheur ou le malheur d'être un pays centralisé très tôt et d'avoir des rois qui ont fait du mécénat et qui ont cherché à créer un art, non seulement national, mais un art d'État. La catégorisation des choses, tragicomédies, c'est ça, ça provient de l'entourage de Richelieu qui, dans les années 1630-1640, commence à créer ce qui va devenir l'Académie française et réunit toutes sortes d'intellectuels pour essayer d'y mettre de l'ordre dans tout ce fouillis de la théâtrologie, disons, enfin, qui n'est pas logique, justement, du théâtre empirique, du théâtre qui se fait. Et la largeur du mot comique, comédie, etc., elle existe aussi en France. Pensez au roman de Scarron, qui s'appelle le roman comique, et c'est le roman des comédiens, c'est-à-dire des gens de théâtre, des théâtreux, tout simplement. Et ça, c'est les années 1630-1640, pareil. Donc, l'amorce de l'Académie française va être chargée de faire des cases dans tout ça et de courir les œuvres et les artisans de ces œuvres et les auteurs dans ces cases-là. C'est là que disparaît en France la pastorale, avant Louis XIV, avant même Louis XIV, du temps de Louis XIII et du temps de la Régence de Mazarin. Il y a des genres, entre guillemets, enfin des pratiques théâtrales plus exactement, très larges et très souples, qui disparaissent, qui s'engouffrent dans le néant de ce que rejette la catégorisation comédie, tragédie, vaguement tragicomédie, et opéra, qui est, opéra lyrique à la française, qui est en train de naître avec Mazarin, et des Italiens d'ailleurs, mais qui s'adaptent à ce qu'on appelle le goût français. Le goût, c'est pas parce que un spectateur aime ci ou aime ça, le tendre ou le pathétique, ou le féroce ou le merveilleux, c'est le goût de la que le pouvoir essaie de créer pour une culture d'État. Il y a eu des études en France récentes là-dessus, hein, la césure entre Louis XIII, si vous voulez, et Louis XIV. C'est là que ça se passe. Hein. Alors, bon, la comédie française, c'est 1680, donc c'est le résultat de tout ça. Mais auparavant, les théâtres qui existent dans Paris, ce sont des théâtres à privilège, c'est-à-dire autorisés par le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a cette catégorisation. On ne rejette pas les Italiens dans un petit coin. Il se trouve qu'on crée une comédie italienne pour les Italiens en leur donnant effectivement une part de la théâtrologie générale. Et leur part, c'est le divertissement. Ce sont eux qui sont chargés du divertissement. Mais Andrea le sait mieux que tout le monde, puisque la venue de Goldoni en France est commandée par un certain Papillon de la Ferté qui appartient à la cour, enfin qui est la ministre, si vous voulez, à la cour de Louis XV, et qui écrit un grand texte dans lequel il définit l'art des Italiens comme art du divertissement. Et il dit que les gens, après le boulot, ont besoin de se divertir et qu'ils vont aux Italiens. Et qu'ils n'iront pas à la comédie française, parce que la comédie française, c'est la culture. C'est comme ça. Mais c'est des catégorisations historiques successives qui correspondent à des moments politiques. Et je ne peux pas m'étendre là-dessus. Mais c'est des mises en garde que je vous fais, si vous voulez. N'oubliez pas la politique, n'oubliez pas la société, n'oubliez pas les gouvernements, n'oubliez pas la différence énorme entre les théâtres de Venise et les théâtres de Paris, à laquelle va se cogner Goldoni douloureusement quand il arrive en 62. Les théâtres de Venise sont des théâtres de libre entreprise, hein, livrés à la concurrence et à toutes ces choses-là. Ils n'ont pas besoin d'un privilège, ça voulait dire en français, en France, dans le système français, exclusivité. Un théâtre avec l'exclusivité de quelque chose. Hein. Et les exclusivités étaient réparties. Le territoire était découpé en 3 ou 4 privilèges, en tout cas à Paris. À Venise, non. À Venise, une famille aristocrate décide de construire un théâtre et de le faire fructifier. Elle le fait aussi pour le profit, pas seulement pour la notabilité. Et si on ouvre tout ce qu'on veut là-dedans. Opéra alternant avec théâtre de prose, comédie dell'arte, de la part de la même compagnie, alternant avec textes écrits. Hein? Vous voyez, et ça, on change de demande à l'auteur selon le profit, selon que la cassette est pleine ou pas, selon que ça a du succès ou pas. Comme dans les théâtres privés d'aujourd'hui à Paris, on arrête un spectacle qui est prévu pour 6 mois, si au bout de 2 mois, il n'a pas marché. Hein? Et les comédiens sont renvoyés, tout le monde est renvoyé. Et sinon, on prolonge si ça marche. C'était ce système-là, Venise. Ça n'a rien à voir avec le système français. Et quand on se compare Molière et Goldoni, on se plante complètement. Si on en reste au niveau des textes. Bon, je m'arrête. Excusez-moi. Donc, personne pratiquement n'a accepté d'insérer dans le dictionnaire les termes des réformes, si je comprends bien. Dans le sens que tout le monde ajoute soi-disant réforme, la réforme sima a posteriori, etc. Franco. Io credo che faccio una riflessione proprio su questo fatto. E forse, pensando al dizionario, ma pensando anche che deve essere uno strumento che poi dopo serve, dei termini bisognerebbe in qualche modo fare una storia all'interno di Goldoni, innanzitutto partire da come li usa Goldoni, se li usa, quando li usa. Beh, riforma questo, lo usa. Come? Riforma usa. E appunto, per cui riforma a nessuno di noi piace, però in realtà è forse uno dei termini fondamentali per capire tante cose di Goldoni, sia del teatro sia della sua autobiografia, ad esempio. L'altro è di questi tempi riuscire a fare una doppia operazione. Un'operazione, diciamo, di tipo cronologico, vedere come cambia il significato nel tempo di questi termini, o l'uso, no? Come si arricchisce e si riduce. L'altro è proprio anche, però, anche il contesto in cui vengono usati. Io pensavo proprio, riflettevo su commedia e comico, no? Comico ha indubbiamente il doppio valore, no? Cioè, indica la professione, quindi indica l'attore, il comedien è l'attore indipendentemente da qualsiasi cioè, diciamo, come sostantivo, no? Dipende da qualsiasi genere reciti, però commedia già è diverso, perché commedia può essere sì la pièce, ma quando Flaminio Scala pubblica il teatro delle favole rappresentative, ogni testo è chiaramente individuato in didascalia, come commedia, tragicommedia, opera regia, altro genere, tragedia. Cioè, è abbastanza interessante che nel momento in cui il comico attore diventa autore, in qualche modo si sente in dovere di assumere la terminologia delle cosa che farà anche Goldoni in qualche modo, cioè assume la terminologia della cultura, cioè della tradizione, perché in realtà comico e tragico poi sono due generi che corrispondono a particolari contenuti, a particolari ideologie, e sono sentiti in qualche modo anche di livelli diversi. Quindi queste contestualizzazioni credo che andrebbero fatte. Così come bisogna sempre tenere presente il cambiamento che avviene storicamente dentro il concetto, dentro la storia della commedia dell'arte. Qua abbiamo fatto gli esempi dei grandi autori, attori dei primi anni, addirittura degli anni fra 5 e 600, e la realtà delle compagnie dell'arte veneziane con cui Goldoni lavora, e poi della compagnia dell'arte italiana che trova in Francia, sono diverse le une dalle altre. Bisognerà tener conto anche di queste diversità. Françoise voleva intervenire sulla riforma, no, poi sulla tutti gli altri. Riforma, no, solo per dare un po' di questioni eventualmente. Quand je parle français, ça sera plus facile, comme ça peut faire mal pour moi. Moi, je suis restée, en lisant les maîtres que nous avons ici, sur l'idée que la réforme, ça n'est pas qu'il change tout, qu'il enterre la commedia dell'arte, comme on a dit après, parce que voilà, ça c'est un grand stéréotype, c'est qu'il l'enterre, et qu'après lui, il n'y a plus rien. Non, il prend quelque chose qui existe depuis très longtemps, comme on a expliqué, qui fonctionne d'ailleurs très bien, que le public aime beaucoup, si je me fie à ce que j'ai lu de Pierre Mario sur le public vénitien à Venise qui va aux comédies dell'arte, enfin voilà. Mais il va faire quelque chose en tant qu'auteur. Et ça, c'est quand même très important de rappeler ce qui a été dit d'ailleurs tout à fait au début, c'est que Goldoni, il n'est pas un acteur-auteur comme beaucoup d'autres. C'est un auteur, et donc il affirme quelque chose qui est l'autorité de l'auteur. C'est contre quoi, d'ailleurs, les comédiens de Commedia dell'arte, pour schématiser un peu, avaient proposé une nouvelle manière de faire du théâtre à l'époque, au XVIe siècle. C'était aussi, en grande partie, contre les auteurs. Enfin, il y a des poèmes de Lasca, par exemple, qui était un auteur Pazzini du XVIe siècle, un auteur de comédie érudite, ce qu'on appelait la comédie érudite, et qui fait des poèmes de carnaval en disant « Ah, les Zanni sont arrivés ». Les Zanni, c'était les acteurs professionnels, les premiers, bouffons, sont arrivés et gli autori possono andare a mettere il culo sul pietrone, ou quelque chose dans ce genre. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est Lasca, un auteur de comédie érudite du XVIe siècle qui voit arriver les fameux Zanni et qui se dit c'est fini, nous on peut aller se rhabiller. Et d'une certaine manière, pour schématiser, parce que pour vous il vaut peut-être aussi mieux schématiser, Goldoni, il fait quelque chose d'inverse. Il dit, moi je suis quelqu'un qui veut vivre, qui doit vivre et qui choisit parce qu'il est prédestiné, comme il l'a expliqué ensuite dans les mémoires, pour écrire du théâtre, et il veut donc s'affirmer comme auteur, mais il ne va pas aller contre, il est avocat en plus, donc il est beaucoup plus fin, il ne va pas contre les acteurs, il prend les acteurs et il essaye de les reformer, pas de les réformer, de les reformer, de leur apprendre une autre manière de faire leur travail, c'est-à-dire une autre manière aussi de manipuler le texte, les mots. Non plus, comme on a dit, les zazzi improvisés ou avec un répertoire derrière, mais avec un texte qu'ils doivent apprendre par cœur. Et il y a autre chose aussi que je voudrais signaler, c'est qu'on dit, pour que vous ne croyiez pas qu'il a tout révolutionné d'un seul coup, tout de même, les auteurs au XVIe siècle qui sont aussi acteurs, il y en a déjà des auteurs comme Grotto, par exemple, hein, Pierre Luigi Grotto, qui est un Vénitien, et Venise est quand même très très particulière. Il faut faire très attention, effectivement, comme disait Ginette, au système vénitien. Mais ce Grotto écrit déjà, il est acteur aussi, il gère un théâtre. Il fait construire même un théâtre pour faire représenter ses comédies dans la ville d'Adria, qui est au sud de Venise, et il écrit, lui, des comédies, des pastorales, des tragédies, parce qu'il s'exerce dans tous les genres. Les auteurs s'exercent dans tous les genres canoniques du théâtre. Et Goldonis, si on peut dire, il est comme tous les autres auteurs anciens, même Alain Rétin écrit des tragédies et des comédies. Donc il va essayer de s'affirmer dans tous les genres, et d'ailleurs le genre qu'il veut au départ pour s'affirmer, c'est la tragédie. C'est pas, disons, la comédie en tant que genre, c'est la tragédie, et jusqu'au bout il va écrire des tragédies, parce que c'est finalement ça qui pour lui est le genre le plus noble encore. Donc si vous voulez, la réforme, c'est pas une façon d'enterrer la comédie dell'arte, c'est une façon de récupérer quelque chose qui marche bien avec le public et de réformer. C'est pour ça que après toutes les notions se mélangent, parce que dès que vous tirez un fil à partir de cette idée qu'il a voulu apprendre aux acteurs une autre manière de concevoir leur rapport à l'auteur, vous avez tout, les rôles, les emplois, tout qui se déploie. Oui, avant de donner la parole à Marthe, donc on a un héritage, pour utiliser un terme qui doit vous parler, mais pour l'instant, nous cherchons la rupture. Donc, en quoi cet héritage est amené à rupture chez Goldonis dans sa dramaturgie? Io volevo fare una semplificazione per voi, perché mi sentite? No? Sì, sì, sì. Cioè, stiamo girando intorno a questo termine riforma, che è, come si può dire, l'etichetta del lavoro di Goldoni. Allora, io propongo una piccola rottura rispetto alla tradizione codificata, perché mi rendo conto che noi qui stiamo complicando, perché questo è il nostro lavoro, è la nostra funzione, invece voi avete bisogno forse di un'altra cosa. Allora, credo che ci siano, come diceva Franco Vazzolet e Ginette, che bisogna contestualizzare e storicizzare. Allora c'è una riforma contingente interna all'esperienza goldoniana, molto militante, molto di rottura, che è una specie di testa d'ariete con cui lui a un certo punto decide di tornare a Venezia, fare il poeta comico di mestiere e fare questo esperimento di lavorare con la compagnia Medebach al Teatro Sant'Angelo, infilandosi dentro un trust veneziano monopolistico delle grandi famiglie aristocratiche dei Vendramine e dei Grimani, in questo piccolo teatrino Sant'Angelo, dove con una piccola compagnia su base familiare con cui lui ha un rapporto molto stretto può fare qualche cosa di nuovo, di rottura, cioè la commedia terenziana, la commedia di carattere, la commedia morale, tutte quelle cose insomma che con cui generalmente si identifica la riforma col goldoniano, dalla maschera al carattere, dal nero pornografico e scanzonato della commedia dell'arte, dalla buffoneria fine a se stessa, a un progetto pedagogico di stretta relazione con un pubblico o con una fascia qualificata di spettatori all'interno di un momento storico, diciamo, di forti speranze anche riformistiche interne alla politica veneziana. Ecco, tutta questa roba, la conquista della commedia letteraria, della recitazione premeditata, il recupero della onorabilità dei mestieri teatrali, tutto questo appartiene a una fase eroica abbastanza ristretta e abbastanza, dirompente e innovativa. Dopodiché il lavoro di Goldoni è molto più complicato, molto più articolato, molto più, contraddittorio, sfiora elementi, neri o conturbanti, insomma, è tutta un'altra cosa. E la sua riforma, cioè il suo lavoro di riformatore del teatro, letto in una logica più ampia, europea, molto più collegata al grande dibattito settecentesco sul teatro, ha a che fare con anche altre cose un po' diverse, meno contingenti, che fra l'altro lo collegano, per ora mi teso perché volevo solo proporre questa distinzione, che lo collegano molto molto strettamente al grande dibattito degli enciclopedisti francesi sul teatro, lo collegano moltissimo a Voltaire, lo collegano moltissimo a un rinnovamento del gusto, dell'estetica, dei consumi culturali in senso stretto, che vanno molto oltre Venezia, e lì appunto la riforma è, credo, soprattutto la rivendicazione, la difesa, la proposta di una dignità autoriale del teatro in senso molto più ampio, con una con una serie di orizzonti anche linguistici, espressivi diversi, ecco. Depuis au moins un siècle, on cherche des réformes dans la culture et dans le théâtre aussi, hein, bien sûr. Les académies cherchent à réformer la poésie dans son ensemble, y compris la poésie théâtrale. Et dit-on, sur le coup de boutoir que leur ont donné les Français avec certains livres d'un jésuite, Père Dubourg, accusé l'Italie d'être la plus grande d'Europe en poésie, parce qu'elle se tardait, elle avait quitté le naturel, le nécessaire, toutes les choses qu'Aristote voulait. Et la grande académie italienne se forme à ce moment-là, hein, pour répondre aux Français et leur montrer que l'art italien peut être éducatif, utile, correct, beau aussi, sans être maquillé, etc., etc. La réforme des académies, elle fait son coup. On n'a pas d'étude globale, je crois, sur l'historique, je veux dire, évolutive. Mais des comédiens de l'art aussi, même s'ils n'ont plus d'auteurs parmi eux, je pense au grand Sacchi, au grand Truffaldin, à Lucien Sacchi, lequel je veux venir travailler dans les années du Théâtre Saint-Samuel. Sacchi cherche désespérément à faire le film, mais il ne voudrait pas la faire sur le texte écrit et préméditato, parce que lui, c'est vraiment l'improvisation qui compte fondamentalement pour lui, avec tout ce que nous avons dit sur l'improvisation. Et ce qu'il cherche, c'est pourquoi on cherche, même chez Sacchi, une réforme. Parce que le public se lasse des mêmes scénarios toujours, des génériques qui n'ont pas acquis une grande ampleur, sauf de la part de certains qui se mettent à utiliser des comédies écrites d'autres pays pour les faire entrer en scénario, si vous voulez. Alors, Sacchi voudrait un renouvellement des scénarios à partir, de l'Antiquité, des grands comiques antiques, hein, Aristophane, d'autres, Terence et Plutôt, et à partir de sujets nouveaux et contemporains. Et il se bagarre avec Chiari, qui est devenu l'auteur du Saint-Samuel à partir de 1705 jusqu'à 1752, pendant que Goldoni est au Théâtre Saint-Ange. Il finit par faire partir Chiari, il gagne, hein, parce qu'il déteste le texte écrit à la manière de Chiari, qui écrit bien, dit-on, et qui a du style et tout ça, de la rhétorique. Et il n'aime pas les sujets que propose Chiari, qui viennent d'inspiration anglaise et d'inspiration antique aussi, et française, hein, avec les romans, se fonde sur les romans français. Il cherche, avec d'autres gens, des intellectuels qui sont souvent des nobles d'ailleurs, à trouver une manière d'élargir le champ des scénarios. Quand il va au Portugal, il est invité à la cour du Portugal, il joue pour les Portugais, des pastorales et tout ça, tout le répertoire de l'art est au sens élargi, hein, mais il a pris aussi un théâtre en ville dans lequel il joue quoi ? Du Goldoni. Sauf qu'il le fait jouer par les enfants de la troupe, les fils des comédiens. Et ça attire le public, ça transforme en prouesse le Cavalier et la Dame, hein, le Chevalier et la Dame, qui n'est pas du tout un texte d'appel, enfin un texte populaire, si vous voulez. Joué par les gamins, qui ont pris ça par cœur et qui ont été bien éduqués dans l'art du jeu par leurs parents, ça fait un succès formidable, mais c'est en ville, hein, pas la cour. C'est un des moyens que trouve Sacchi de sauver la mise à la Comédie dell'Arte. le grand moment où il le trouvera, le moyen de sauver la mise à la Comédie de l'art, c'est avec Gozzi, bien sûr, à partir de son retour en Venise et de l'occupation de Gozzi Saint-Samuel. Bon. Mais là, on sort d'autre chose. Donc, oui, la réforme, le « là », hein, générique, il ne veut pas dire grand-chose. Il y a les réformes, il y a celle de Goldoni dont vient de parler Martia, qui a ses moments différents, etc., exploratifs, et qui sont situés dans une concurrence. Hein, je répète, à partir de 1753, il y a la concurrence pour la réforme entre Goldoni et Chiari, entre Chiari et Goldoni plutôt, Chiari se déclarant le vrai réformateur, ses partisans le déclarant le premier réformateur, quand ils ne consentent pas à désigner Medebac comme le premier réformateur. Et pas Goldoni, hein, non, Goldoni a été embauché par Medebac qui voulait la réforme. Et c'est vrai que Medebac a cherché des textes, il a cherché des textes partout, et des auteurs de textes. Bon, je suis pour commenter le « là » de réforme, c'est tout. Mais celle que vous avez étudiée, c'est quand même, entre guillemets, celle au singulier de Goldoni. Alors, Anna voulait intervenir sur... No, solo una rapidissima notazione. Credo anch'io con Franco Mazzoler che bisognerebbe partire da una adeguata storicizzazione dei termini, soprattutto come in uso negli autori, in particolare nel Goldoni. Allora, per quanto riguarda il controverso termine di riforma, bisognerebbe per esempio considerare che nei due scritti capitali, quelli che pongono le basi del programma riformistico goldoniano, cioè il teatro comico e la prefazione generale all'edizione Bettinelli, la parola riforma Goldoni non la usa mai. Significativamente però ne usa un'altra, che ha anche una forte carica patriottica, non a caso, e cioè quella di risorgimento, che è qualcosa di completamente diverso dalla riforma e che viene a confermare per altra via quello che si cercava di suggerire prima rispetto a un rapporto di continuità evolutiva rispetto alla tradizione dell'arte. Il termine riforma, se non lo usa all'altezza del 1750, proprio l'anno in cui vengono composte ed edite, composta ed edita la prefazione Bettinelli e composto il teatro comico, però comincia a usarlo presto negli anni successivi, perché gli viene affibbiato addosso, gli viene riconosciuto come titolo da parte della intelligenzia. Escono dei poemetti di illustri nobili o in senso sociale o nobili in senso intellettuale, da Berengan a Verri, che gli danno il titolo di riformatore. Allora, a questo punto bisogna ricordare che la parola riforma, mi pare sia stato già detto, era una specie di diktat morale che appunto la Repubblica delle Lettere aveva scatenato già all'inizio del Settecento, in particolare lo aveva fatto Muratori, particolarmente per il teatro. Allora, quello che voglio suggerire è che Goldoni finisce per acquisire, far proprio, un termine che era di conio letterario, perché è un fronte quello anche di battaglia importante per Goldoni, cioè cercare di rendersi grato anche alle attenzioni del ceto, chiamiamolo così, dei letterati e degli intellettuali. Però io rifletterei sulla significatività del termine originario da lui impiegato, appunto, risorgimento. Pitaccio, parlo sempre. Sì, volevo richiamare la vostra attenzione, sugli inciosi. Vous connaissez Vittorio Gassman? Vous connaissez la, ce qu'on appelle la comédie à l'italienne, comme vous dites. Pendant toute sa vie, Vittorio Gassman voulait être un grand tragédien. Il a beaucoup souffert. Ça a été des fiascos formidables, c'est ce qu'il a essayé de faire. Il était vraiment un grand tragédien, mais il n'a jamais réussi à être apprécié en tant que tel. Qu'est-ce qu'il a fait? là fait autre chose. Franco Fortini était un grand écrivain, un grand critique italien, qui voulait dans toute sa vie écrire quelque chose qui pouvait être une sorte de Meister italien. Il m'a confié ça et toute sa vie il a souffert de ça. Mais il a été seulement un critique. Alors souvent, il arrive que les situations historiques, politiques, et nous sommes des historiens, il faut considérer tout ça, on essaye d'être historien, ne permettent pas aux gens, aux comédiens, aux artistes, aux dramaturges, d'être ce qu'ils voudraient être. Ça n'empêche que peut-être ce qu'ils seront, ce qu'ils ont été, c'était mieux de ce qu'ils auraient voulu être. Vittorio Gassman voulait être un grand tragédien. Il a essayé, ça a été un fiasco. Il a essayé de jouer une pièce de Pasolini. Bon, je l'ai vu, c'était une catastrophe. Tu l'as vu, c'était une catastrophe. Et il était un faux Alfieri, il a essayé de jouer Alfieri, je n'ai pas vu Alfieri, mais il était un grand comédien avec la G et la A majuscule, parce qu'il était, disons, il faisait de la comédie. Mais quand vous avez vu le film I soliti ignoti, peut-être que vous connaissez, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est un chef-d'œuvre. Il meurt, tué. Un lâche, il est un soldat lâche, mais en fait, pardon, la grande guerre. Goldoni aussi, quand il écrivait ce mémoire, je faisais des confusions, mais c'est toujours intéressant quand même. On devient comique. Alors, quand il a joué là, il meurt à la fin, mais un lâche. Il se fait fusiller, mais. Il essaye de faire. Mais dans les pièces, si vous voulez, la commedia all'italiana a été écrite par des écrivains vrais. Ce sont les auteurs de théâtre en cinéma les plus grands qu'on a eu. Moi, je trouve que les auteurs de la commedia all'italiana, sauf Pirandello ou quelqu'un d'autre, ont été vraiment les dramaturges italiens. Lisez les scénarios, et vous verrez. Mais dans ce cas-là, Gassman faisait rire. Dans tout le film, un héros lâche. Donc, qu'est-ce que je voulais dire en ce cas? Que la tradition italienne, je pense à Riccoboni, justement, c'est une tragédie, la vie de Riccoboni. Il voulait être un grand tragédien, il était apprécié en tant que c'est une histoire italienne, celle-là. Quelles sont les raisons? Je ne sais pas exactement, ça serait il faudrait réfléchir. Mais, alors, l'espoir, le but de plusieurs comédiens italiens et d'auteurs italiens était d'être des haut niveau. Mais le théâtre, c'est une relation, c'est un dialogue. Le théâtre, c'est entre les deux, c'est quelque chose comme ça. Et donc, les résultats sont les résultats qui ont été permis par le contexte historique. Et le contexte historique italien était le mélodrame et la comédie. Et vous pensez que c'est mal tout ça? Non, c'est bien, bien, c'est très intéressant. Mais toujours dans Riccoboni, dans Goldoni, dans tous les autres auteurs italiens, toujours l'idée d'être au-delà de ses limites a été le mirage, le désir. Et les intellectuels qui fonctionnent d'une façon différente que le théâtre, parce que le théâtre marche sur les pieds, les intellectuels marchent sur la tête, à cause de cette différence, ont toujours prétendu. Et vous pensez à Manzoni. Il a essayé d'écrire des tragédies qui sont tout à fait. Il y a des jolis, des beaux monologues dans cette tragédie, mais ça n'arrive à rien, ça ne rime à rien. Et Pirandello, c'est la même chose. Donc il y a une damnation. Non, c'est un goût, c'est une culture que l'organisation des genres, comme selon le style de la grande culture française, que j'adore d'ailleurs, à classer ce genre-là en bas. Alberto Sordi, c'est un très grand comédien, mais il a joué le comique. Alors, ce que je voulais dire, c'est le résumé de ce que je voulais dire, c'est ça, que Goldoni, lui aussi, il aurait voulu être peut-être quelque chose au-delà de ce qu'il a été. Mais la grandeur de notre tête, souvent, n'est pas dans sa tête, mais dans sa pulsion, dans sa capacité d'écrire. Et surtout, j'insiste sur une chose, qu'on arrive souvent à j'ose dire même méprisé quelquefois, mais à pas considérer. Le travail de Goldoni était un travail de metteur en scène. Goldoni était aussi un metteur en scène. Goldoni écrivait ses pièces, travaillait avec les comédiens et il faisait un travail de laboratoire, on dirait aujourd'hui. Bon, les laboratoires de Goldoni étaient très importants. Il a complètement construit les acteurs. Il les a fabriqués. Il a fabriqué en même temps les acteurs et les personnages, ce qu'il a fait. Avant Stanislavski, avant tout le travail de l'Actor Studio américain, évidemment, il y a des belles et grandes différences. Mais il y a des mécanismes dans le travail intellectuel et surtout dans le travail théâtral qui sont continus dans les siècles. Il y a une permanence des méthodes théâtrales dans les siècles. Goldoni, il ne faut pas exagérer les discours, mais Goldoni a travaillé sur les acteurs comme Stanislavski a travaillé sur ses acteurs. Et ce n'est pas un cas. Ce n'est pas un cas que Stanislavski a travaillé beaucoup sur Goldoni, il a fait plusieurs fois la Locandiera. Et donc, il y a tout un aspect difficile à saisir, parce que nous n'avons pas de documents directs, complets. Il y a des documents qu'on peut lire dans ce sens-là, mais tout un travail, toute une réflexion, en fait, sur le caractère, on dirait aujourd'hui militant, mais je dirais sur le caractère matériel du travail de Goldoni. Ça, d'ailleurs, c'est le même travail qu'a fait quelques siècles après Pirandello. On fait pas suffisamment attention à cet aspect-là, parce qu'il est difficilement saisible. On le saisit difficilement, mais ça existe. Et ça, je trouve qu'il faut voir. Et quand il a publié les pièces, il a voulu, si vous voulez, un peu cacher tout ça. Il a voulu un peu occulter, mettre dans le tiroir. Bon, ça, je voulais dire ça, vous comprenez, c'est plutôt une provocation, mais c'est une provocation qui naît d'une lecture de la vie de Goldoni et de ses pièces, que je pense mérite une petite réflexion. Alors, on saisit la provocation de Ciron Lagarde pour cet après-midi pour discuter des métathéâtres, des acteurs, donc des aspects qui peuvent nous permettre d'essayer de comprendre par les biais de son théâtre même de quelle façon Goldoni travaille avec ses acteurs. Et ne pas oublier le couple monde au théâtre. Oui, exactement. Et c'est là que je veux revenir parce que, étant donné que vous refusez de répondre à la question de la réponse par un biais, je rentre par l'autre. Et les termes que je vous propose, c'est réalisme, société et famille. Donc, en partant du contenu, plutôt que de la forme et de la structure générique, est-ce qu'on peut répondre à la question réforme par les biais du contenu du théâtre goldonien? Donc, réalisme, famille, société. J'avais une petite... Allora, prima volevo intervenire per un problema generale che forse stiamo superando. È la questione che ognuna di queste parole, almeno alcune parole, quelle meno materiali, meno legate a oggetti concreti, ci inducono a parlare più di quello che viene prima di Goldoni che di Goldoni. E quindi termini come commedia, riforma, sono rischiosissimi perché hanno una storia molto complessa. Mentre forse poi quando passeremo a parole più piccole, più concrete, questo ci permetterà di parlare forse di più di Carlo Goldoni. Allora, su queste parole volevo fare prima degli interventi molto lunghi che è meglio risparmiare a questo punto. Diciamo due cose, che c'è un terzo incomodo, sono le categorie aristoteliche, quelle che poi diventano francesi, ma commedia per secoli prima voleva dire un'altra cosa e quindi Flaminio Scala è molto più aristotelico di Goldoni quando scrive favola rappresentativa, questo è lessico aristotelico. Però adesso se vi faccio una micro storia della parola commedia, stiamo qui mezz'ora e non parliamo di Carlo Goldoni. Di riforma abbiamo fatto molti passi avanti ed è stata illustrata come sia una categoria che Goldoni si compra, diciamo così, più avanti, perché è molto soddisfacente, intanto perché gliel'hanno affibbiata degli altri e perché questa parola metteva insieme molte cose. Quindi abbiamo già fatto un cammino all'indietro, citando come la parola riforma fosse una parola messa in campo dagli intellettuali prima di Goldoni, ancora prima di questo, e arriviamo adesso all'ultimo intervento di Andrea, riforma è una parola chiave del lessico settecentesco. Prima delle riforme letterarie o culturali ci sono le riforme sociali, economiche e così via. Senza che lo leggiate tutto, anche perché o che lo leggiate, di Goldoni si parla pochissimo dentro questo libro e solo, anzi, di questa raccolta di volumi, guardate da fuori in una biblioteca 700 Riformatore di Franco Venturi, che è un'opera copiosissima, e questo mostra come la parola, il 700 è il secolo riformatore. Se ci mettiamo a parlare di riforme stiamo qui alcune settimane. Le 10 righe che Goldoni ha nell'ultimo volume di Venturi, quando Venturi scrive un volume sulla Repubblica di Venezia, sono significative di questo rapporto sproporzionato. Il termine riforma però è un termine che metteva insieme alla fine non solo i caratteri propri di Goldoni, come qualcuno che si intromette nel mondo degli artigiani attori, qualcuno che poi vuole diventare uno scrittore, eccetera, ma anche tutte le valenze di carattere sociale in senso vario, sociale, politico di Goldoni, che è un'altra novità fondamentale del suo periodo di ingresso in scena. Ecco, l'altra storia, l'altro aspetto caratterizzante della differenza di Goldoni è il fatto che Goldoni è un avvocato, è un uomo di legge. E quindi in quel momento in cui a Venezia succede questa particolare, usiamo una brutta parola, congiuntura di eventi, un certo tipo di teatro commerciale fatto da nobili che permette un certo tipo di azioni, se Goldoni nasceva, che so, a Palermo, non avrebbe fatto le stesse cose perché non poteva farle. E l'altro caso è che a Venezia in quell'epoca ci sono autori che poi valgono un po' meno di Goldoni, o come Goldoni, poi arriva Gozzi, in mezzo c'è Chiari, eccetera. Non c'è solo Goldoni, quello è un momento di particolare espansione, che è un'espansione che avviene tra il sistema attoriale, il sistema commerciale e quant'altro, ma anche un certo tipo di attese che credo Goldoni realizzi proprio come uomo di legge. Ecco, su questo però è molto complicato a dire, io mi sono, ma questo appartiene al mio piano puramente autobiografico ed è poco interessante, ho cominciato a leggere e a studiare di più Goldoni, che mi interessava poco, perché ho letto un articoletto brevissimo di un grande storico veneziano, Gaetano Cozzi, che proprio in qualche pagina puntava la differenza radicale di Goldoni come un, diciamo così, un uomo di legge che poi è diventato storico, che era Cozzi, ha visto dentro alle pieghe questi temi della famiglia, dello Stato, della società, eccetera, eccetera, che sono stati molto banalizzati e schiacciati dai racconti pur meritori del Goldoni, portavoce della borghesia veneziana, eccetera, eccetera. Cose che fanno ancora parte della manualistica. Quando Marzia diceva siamo qui 20 anni fa, eravamo qui, eccetera, tuttavia bisogna ancora considerare che i luoghi comuni della manualistica sono, e che sono stati meritori per sottolinearlo, sono quelli della società veneziana che evolve e poi involve, della borghesia che sale, di Goldoni che diventa l'autore che rappresenta la borghesia a teatro, che poi se ne va triste da Venezia perché la borghesia decade. Goldoni andava a Parigi, insomma, chi non voleva andare nel Settecento a Parigi? Dico sempre, l'abate Chiari, quando Goldoni va a Parigi, va a Brescia, è meno divertente, e così via. Ecco, Goldoni viene nella più grande città d'Europa del momento, si trova una pensione che gli permette, ma altre cose che poi, ma questo rispondo poi altre porte aperte per chi pratica questi argomenti. Ecco, quindi l'etichetta di riforma, la cosa che volevo dire prima, ma adesso è arrivata la cosa, è anche un'etichetta che mette insieme tutte queste cose, quindi il termine è sia l'azione di Goldoni all'interno di un sistema teatrale, è il guadagnarsi di posizioni autoriali, eccetera, eccetera, il fatto che Goldoni diventa un letterato e tutte queste cose, ma è anche un'etichetta che aveva dentro questi caratteri fondamentali che Cozzi chiamava politici, questa è la maniera più chiara. Le commedie del periodo del Sant'Angelo, e qui bisognerebbe capire chi ha messo cosa. Allora, sicuramente Girolamo Medebach è qualcuno che si è inventato Carlo Goldoni, cioè che lo ha scritturato, che lo ha preso al momento buono, capendo che questo era il suo investimento fondamentale, che questo poteva fare quel determinato tipo di cose. Poi probabilmente Goldoni, come capita, ha superato il coso e ha rubato dei mestieri a Medebach, che poi Goldoni eserciterà come concertatore, come qualcuno che... Goldoni portava però una, qualcosa che possedeva, quello, credo di essere un avvocato fallito, un uomo di legge che poteva attraverso questa forma raccogliere dei temi che erano inediti per il teatro. Ecco, le due cose che Goldoni cattura, una è questa, e ripeto, l'ho imparata da Cozzi. D'altra parte, la magistratura che a Venezia si occupava di teatro era una magistratura che controllava il gioco, la famiglia e molte altre cose, i cosiddetti, anzi non cosiddetti, gli esecutori contro la bestemmia. E Cozzi diceva la sensibilità sociale di Goldoni, i temi dei personaggi di un certo ambito goldoniano sono gli stessi che si leggono dentro i processi dell'epoca, che poi il teatro abbia delle forme processuali, una cosa che va avanti dall'antichità greca fino ai film americani, dove vediamo, no, questi argomenti. Quindi il fatto che Goldoni è un avvocato è una cosa importantissima, secondo me è un avvocato fallito. L'altra cosa, credo capitale e un po' sottostimata, è l'irruzione del romanzo nella... che è soprattutto romanzo inglese e in parte romanzo francese. Il romanzo rivoluziona il teatro. Goldoni toglie per la prima volta le maschere, non perché fa una campagna contro le maschere, perché ricava una commedia dalla Pamela di Richardson. L'abate Chiari, pur lasciando la maschera di Arlecchino, di Truffaldino, traduce prima, e poi da questa traduzione, come adesso verrà dimostrato da qualcuno, Erika, che ci sta lavorando, e ricava dal Tom Jones di Fielding, dalla traduzione francese del Tom Jones di Fielding, una trilogia teatrale che inventa la forma romanzesca e degli ambienti, ma questo magari ne parliamo non so più avanti, che non esistevano prima. Trovate una locanda, come non una locanda accessoria, una locanda dove si mescolano le classi sociali, i sessi, arrivano le attrici che si travestono da nobildonne, eccetera. Tutti questi sono temi di irruzione romanzesca, che sono gli altri due elementi. Credo, la sensibilità sociale, diciamo così, dell'avvocato e i termini del romanzo, che sono, credo, termini di riforma, sono qualcosa che manca, sono prospettive che soprattutto negli anni del Sant'Angelo creano un tipo di commedia che deve essere stata completamente spiazzante in positivo per il pubblico veneziano. È chiaro che poi Goldoni, come ricordava Anna prima, il mostro dalle quattro teste, continuava a fare tutti i repertori, continuava con la commedia dell'arte, tra virgolette, continuava, inventava nuove cose, però al centro c'è questa, credo, formidabile serie di differenze che sono state portate proprio all'altezza della metà del Settecento a Venezia. Qualcun altro vuole intervenire? Sì, diciamo, sull'idea di dare alcuni esempi concreti magari di questo intervento di valorizzazione di aspetti sociali della vita veneziana in particolar modo, no? Quindi, certo, vuoi che continui ancora? Sì, o magari Anna, col padre di famiglia, alcune cose. Sì, fermo restando che bisogna distinguere, come ha sottolineato Marzia, fasi diverse nell'itinerario artistico di Goldoni. Indubbiamente quello quello iniziale, condotto con la compagnia Medebach a Sant'Angelo, si presta particolarmente per valutare come funzioni un certo tipo di realismo nel teatro goldoniano. Poi negli anni della maturità ci sarà un altro tipo di realismo, probabilmente più evoluto, però negli anni del Sant'Angelo, i primi anni, quelli cosiddetti del percorso ascendente di un autore fiducioso nella possibilità di collaborare per il bene della società, anche con delle prospettive politiche, nel senso proprio del termine, appunto offerto al periodo del Sant'Angelo. In questo periodo si colloca una commedia esemplare da tanti punti di vista, che si intitola appunto Il padre di famiglia, e che, detto in estrema sintesi, ha di esemplare che cosa? Il fatto di rivoluzionare dall'interno delle convenzioni drammaturgiche molto forti. Perché? Perché il protagonista, dunque, innanzitutto è una commedia che ha avuto una varietà di sviluppi relazionali, una commedia che ha impegnato molto Goldoni sul piano rielaborativo e non a caso. Comunque, nella prima redazione il personaggio protagonista, il protagonista eponimo, è un pantalone, padre di famiglia, e ci sono attorno a lui i consueti ruoli, delle maschere, sia dei vecchi che degli zanni, sia i consueti ruoli previsti dall'organigramma di una compagnia dell'arte. La novità in cosa consiste allora? La novità sta nel modo in cui questi ruoli vengono rivisitati. Allora, per esempio, il pantalone diventa un padre di famiglia. Notate bene, non un buon padre di famiglia o un cattivo padre di famiglia, ma semplicemente il padre di famiglia. Qual è la novità? Che non c'è una caratterizzazione legata alle convenzioni comiche. Goldoni mette in scena semplicemente, questa è la sua intenzione, quantomeno, è tutto sommato, poi per certi versi ci riesce, mette in scena quelle che sono le mansioni, gli oneri, le preoccupazioni, gli uffici di un padre di famiglia, senza qualificazioni che ne declinino un senso comico o satirico o comunque il suo profilo. E l'intenzione è quella di fotografare appunto l'insieme delle dinamiche relazionali che si definiscono all'interno di quello che viene percepito come un microcosmo, cioè di quello che è il microcosmo familiare, che viene restituito come lo specchio del macrocosmo costituito dalla società. In questo l'intenzione politica, difatti Cozzi, che citava Ragion Veduta, Pier Mario come una delle voci critiche più luminose su Goldoni, chiamava in causa anche il padre di famiglia tra queste commedie particolarmente politiche. Insomma, alla famiglia come parva civitas, no? Come microcosmo entro cui poter indagare e le dinamiche relazionali proprie di un'esperienza che è propria di ciascuno di noi, e anche qualcosa di più alto che rimanda a ciò che è fuori dalle mura domestiche. Quindi veniamo anche a intersecare un'altra coppia. Mi fermo qui soltanto perché ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però vorrei segnalarvi che un Diderot già schiaffeggiato dall'accusa di plagio che a Ragion Veduta aveva ricevuto per la sua prima commedia, Le Fils Naturelles di Diderot, viene accusata di plagio per una varietà di ragioni su cui, se vorrete, torneremo, e Diderot viene incolpato di aver svaligiato una commedia di Goldoni intitolata Il vero amico. Ebbene, quando Diderot pubblica Le Fils Naturelles, lo accompagna con un teorico, cioè gli entretien sulle Fils Naturelles, e come li conclude questi tre dialoghi? Con un sogno. Quale sarebbe il massimo del nuovo dramma di cui appunto Diderot lancia le coordinate, gli obiettivi? Qual è il tema per eccellenza? Il padre di famiglia. Provate a rileggervi le ultime pagine degli entretien, e vedete che quello che tutto sommato Diderot prefigura, poi lo scriverà il padre di famiglia naturalmente, però insomma, quasi dandosi la zappa sui piedi, secondo me, dato il suo tempo, così indica come il tema esemplare del nuovo dramma borghese, un tema che era esattamente con quel titolo già stato trattato. Veramente gli esempi del realismo goldoniano sarebbero, anche perché la categoria del realismo è qualcosa di quanto mai difficile da afferrare, sarebbero moltissimi altri, ma io je voulais juste, parce que en entendant ce que disait Anne, je continuais à réfléchir sur ce que j'avais dit, et je disais que réforme, il faut l'entendre sous l'aspect de vouloir réformer les acteurs, le jeu, etc. Mais on oublie aussi, enfin on n'oublie pas, mais là apparaît très bien l'idée qu'il réforme aussi les spectateurs, c'est-à-dire qu'il y a cette pensée que pour que son théâtre fonctionne, il est très réaliste de ce point de vue-là, et qu'il gagne de l'argent, puisque c'est quand même ça qu'il a d'abord comme aussi préoccupation tout le temps, eh bien il faut que les spectateurs puissent être contents. Mais comme il veut faire une, entre guillemets, réforme par rapport à ce qui existe sur les théâtres, et qu'il y a tout ce qu'on a dit sur mes débats, qui voulaient d'autres textes, etc., il va penser à une chose qu'effectivement les pré-réformateurs, hein, ceux qu'on appelle vulgairement les pré-goldoniens, qui déjà depuis la moitié du XVIIe siècle essayaient de proposer un retour à une comédie beaucoup plus moralisante, éducative, etc., eh bien lui, il va dire, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer au public comment il peut s'identifier. Et ça, c'est très, très nouveau, parce que c'est cette question de l'identification du public avec ce qui se passe sur scène. Parce que dans la Commedia dell'arte, justement, il n'y a pas d'identification possible, puisque ce sont des types, ce ne sont pas des personnages, mais des types qui ont des, disons, des caractéristiques fixes, avec des variations, et puis qui sont dans un monde, comme on a dit tout à l'heure, qui est un monde de fantaisie. Et là, on aborde le thème de fiction-réalisme. Mais quand on les accorde bien comme ça, c'est vrai qu'on se rend compte que ce qu'il veut, c'est faire un théâtre. Alors on a dit, il veut éduquer le public pour le moraliser et tout. C'est pas, moi je pense, hein, je sais pas ce que vous en direz, mais c'est pas tout à fait faire un théâtre moral comme on voulait le faire peut-être au siècle précédent, les réformateurs, justement pour avoir de la dignité sur scène. C'est l'idée qu'il faut que le public puisse s'identifier à ceux qu'il voit sur scène, à ceux, c'est UX, EUX, et ceux, les histoires. Et donc il va faire ce que tu disais, c'est très net. Il ne va pas faire le bon père de famille, parce que ça, c'est Pantalone et quand il est dans ses bons jours, qu'il n'est pas trop avare et qu'il accepte que son fils l'inamorato épouse la fille qu'il aime. Non, il va faire un père de famille, tout simplement. Et il le fait effectivement tout le temps, mais c'est très progressif. Et c'est ça, finalement, qui prend du temps. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, a marché. Et après, quand il change de théâtre, il va retenter d'autres choses. Et donc, il y a cette idée de la centralité pour lui aussi du spectateur qui est très importante et qui ensuite va effectivement se rencontrer avec sa volonté aussi de faire des spectateurs qui deviennent des lecteurs. Marc, tu voulais ajouter? Volevo, se non sei troppo stanco, perché mi sembra veramente difficile per voi tutto questo bombardamento. A proposito di questo tema della famiglia, e entrando all'interno dei testi, sottolineare che questo teatro goldoniano intercetta delle questioni che sono centrali, no? All'epoca, cioè non ci dimentichiamo che il Settecento è il momento della scoperta di questa specie di utopia del matrimonio d'amore di Rousseau, di questa idea del matrimonio borghese che mette insieme la passione, i soldi. Bene, allora, Goldoni su questa cosa, utilizzando di volta in volta in maniera diversissime suggestioni, linguaggi, tradizioni teatrali, i più disparati, va sempre a beccare questo tema. Faccio degli esempi, che lui scriva La famiglia e l'antiquario, La bottega e il caffè, cioè vi parlo di commedie della prima fase molto, diciamo, legate a questo riformismo delle maschere, Il cuore nero di questi testi è sempre legato all'analisi di relazioni familiari complicate o malate e continua a esplorarlo attraverso le grandi commedie realistiche. Ci sono state delle letture molto importanti, cioè per esempio di testi come Gli innamorati, dove si può spiegare il senso di un intreccio, di un plot drammaturgico largamente debitore a una antichissima tradizione dell'arte, i capricci dei fidanzati, che sono magistralmente utilizzati perché ci si rimette dentro la circolazione sangue nuovo, che è un malessere legato a dei disordini economici, a delle collocazioni difficili di tipo sociale. Per giunta, sempre per parlare di questo testo, il professor Fiorone ha fatto edizione critica utilizzando magistralmente e in modo insolito il patrimonio, il valore aggiunto di determinati attori che fa lavorare in un certo modo. E si continua a lavorare sulla famiglia, sulle relazioni malate, su appunto i contrasti fra la passione e l'economia attraverso itinerari straordinariamente eterodossi e artificiali, come quelli per esempio dei percorsi esotici della trilogia persiana. Qui non mi fermo qui, magari se ne riparliamo, cioè dove all'interno di un congegno sgangherato, artificiale, improbabilmente teatrale, carico di esternalizzazioni proprio strumentali, l'Oriente, il narghilè, gli eunuchi, cioè quanto di più pittoresco e apparentemente poco verosimile e realistico ci sia, costruisce, come sapete, un successo straordinario dove appunto c'è la capacità di intercettare dei cortocircuiti strazianti e molto neri fra personaggi. Allora, il teatro parla sempre di famiglie, no? Da Edipo a Ibsen a Pinter. Ecco, vorrei che si sottolineasse il fatto che Goldoni lo fa alla grande, all'interno di un contesto come quello della letteratura italiana, dove invece questo non succede quasi mai, perché se poi si pensa all'Ottocento, da questo punto di vista c'è un'involuzione incredibile, perché per esempio uno come Manzoni, cioè grandi scrittori realisti che però su questo piano fanno un passo indietro, mentre invece lui sta interamente dentro un dibattito europeo molto molto molto moderno. Allora, magari abbiamo il tempo per vedere se c'è qualche domanda. Volevo semplicemente chiudere questa prima mattinata sul termine di riforma. Donc, on a bien compris, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est plutôt un dispositif, des dialogues avec une tradition qui amène des innovations du point de vue du rôle de l'auteur face à un système de production théâtrale, qui amène des innovations du point de vue de la façon de traiter des sujets qui sont en lien direct avec la politique sociétale et économique de Venise, avec la politique culturelle européenne. Donc l'articulation entre l'affirmation d'un rôle autorial, la définition des sujets liés à la modernité de la pensée et la capacité à dialoguer avec les acteurs, c'est dans cette complexité-là qu'on peut déduire une notion de réforme du théâtre goldonien. Je laisserai à la séance de cet après-midi de faire des sondages, des forages, comme on veut les appeler, sous certains aspects, donc l'exotisme que Marthe a bien suscité, évoqué, les métathéâtres, les acteurs, en particulier la question des femmes que Cyr a évoqué, la question aussi du réalisme par rapport à la ville. Donc, de quelle manière une ville peut influencer Goldoni dans une façon de faire théâtre, donc Venise et Paris, par exemple, deux capitales avec un système de fonctionnement social, économique et culturel totalement différent. Et je mettrai dedans dans le jeu aussi des questions qui concernent des aspects plus abstraits, style les vices et la vertu. Est-ce qu'il y a des personnages méchants? Et de quelle manière les personnages méchants sont traités par rapport aux questions des sociétés? Donc voilà, et tout ça pour cet après-midi. Et est-ce qu'il y a des questions sous cette partie, sous ces termes, sous ces questions que nous avons abordées cette matinée? Oui. Alors ma question c'est à propos du terme public, mais le terme public a relation avec le Goldoni français. Donc on a vu l'importance du public dans la réforme, du point de vue économique, du point de vue moral, d'identification, etc. Et qu'est-ce qui va changer quand il arrive en France, donc avec le changement de public? Voilà, merci. Ça c'est toi. Questo aspetta. Aspetta a me. Donc, ce n'est pas nos invités qui vont répondre. Et il y a deux publics différents. Donc déjà, il y a, comme pour la situation italienne, il y a deux typologies de publics. Lorsque Goldoni arrive en France, il y a les publics cultivés qui connaissent Goldoni par les biais de ses publications, en particulier lorsque Goldoni arrive, il y a la grande opération de marketing de l'édition Pasquale qui est lancée. Donc les choses sont liées l'une avec l'autre, donc les manifestes Pasquale circulent partout et permet cette avancée d'un Goldoni homme des lettres, membre de la République des lettres. Donc en France, il y a des lecteurs qui sont des lecteurs qui connaissent les théâtres de Goldoni. Et après, il y a un autre public, celle qui cherche dans Goldoni l'homme des théâtres capable de mettre en relation une tradition qui est celle du livret de drama giocoso ou de la comédie d'intrigue et l'exigence d'un contrôle rationnel de l'opération. Donc Goldoni est perçu comme quelqu'un qui puisse élever les niveaux d'une comédie à l'italienne comme elle est perçue en France. Ça, c'est un public général. Le problème, c'est que les théâtres de la comédie italienne a après deux typologies sociologiques des publics. Les loges sont des loges louées par la bonne société. Beaucoup d'hommes des lettres assistent au théâtre, c'est pas un théâtre populaire. En revanche, le parterre a une connotation sociologique plus fragile, hein, qui ne perçoit pas l'italien, ne connaît pas l'italien, donc il ne peut pas rentrer dans un dialogue avec l'auteur par les biais de la parole. Et cela comporte des choix stratégiques différents de la part de Goldoni, l'utilisation du français, l'utilisation d'une pantomime plus poussée par rapport à certaines comédies de la dernière période en Italie, l'utilisation de la musique, l'utilisation du spectaculaire, donc des stratégies dramaturgiques qui permettent de dépasser l'exigence d'une communication par la parole. D'autres questions? L'altra differenza sì. Rispetto a Venezia è che poi a Parigi c'è anche un corte. Mm-hmm. E quindi un pubblico cortigiano che Goldoni trova in Italia solo in alcune situazioni, ma non a Venezia. Lo trova ad esempio a Parma, dove c'è un capitolo abbastanza importante della storia goldoniana, breve ma significativo, proprio nel momento in cui Goldoni in qualche modo cerca di mettersi al riparo di una corte e di un'autorità politica di tipo monarchico, e non so quanto a questo sia anche legato poi dopo la sua idea a un certo punto, che fallisce presto, di andare a Napoli, cioè un altro posto, cioè lo fa prima di venire a Parigi, cioè un'altra città in cui la forma di Stato è diversa rispetto a quella di Venezia. D'altra parte, forse c'è da pensare che un teatro goldoniano, come è quello delle stagioni veneziane, difficilmente sarebbe stato possibile se non in una città con una forma repubblicana. Una forma repubblicana a un pubblico abituato a quel tipo di governo che è per certi aspetti anche una sorta di autogoverno in molti casi. Per cui ad esempio il tema del mercante forse andrebbe valutato anche invece in rapporto all'autogoverno della Repubblica, anche se siamo chiaramente di fronte a una Repubblica aristocratica, però il rapporto fra le classi, ad esempio, da questo punto di vista è più interessante che non l'evoluzione della figura del mercante, così come giustamente è importante la dimensione del padre, anche se ogni tanto poi dopo il padre è anche mercante. Io pensavo ad esempio proprio al pantalone mercante dei due pantaloni che poi diventeranno i mercanti senza maschera, dove il fatto di essere mercante è sottolineato da Goldoni, no? Perché la commedia si apre con questo pantalone mercante che sta dicendo qua la mia azienda sta andando in rovina. Ecco, questo è uno degli altri elementi, credo, in cui ed è una scena apparentemente realistica, siamo dentro proprio quello che noi a Genova chiamiamo lo scagno del mercante, l'ufficio, il mesà, no? Ma che è una delle tante offerte che Goldoni fa al pubblico, cioè è uno dei casi in cui il realismo funziona come specchio per il pubblico, e il pubblico è contento di vedersi rappresentato, probabilmente perché questo costituisce una novità. Da questo punto di vista forse Goldoni è davvero all'inizio di quella di una storia del teatro, che è la storia di un teatro che cerca di riportare l'illusione della realtà sul palcoscenico. A noi oggi forse interessano di più tutti quei casi in cui Goldoni rompe questa illusione, perché non può essere completa, perché proprio il meccanismo di portare davanti al pubblico una scena che il pubblico conosce, perché il pubblico si diverta di più, comporta anche il fatto che poi questo realismo venga rotto in continuazione, perché l'attore deve sempre, poi finisce per far sentire al pubblico che si sta parlando in evidenza, inevitabilmente l'allusione, e quindi rompendo in questo senso quella illusione di realismo che inizialmente probabilmente al pubblico inizialmente è affascinato e per il quale crea interesse, no? Come nella Puttana Onorata, quando addirittura il pubblico che va a teatro è messo in scena davanti al teatro, no? Cioè, è un gioco di specchio che serve proprio a agganciare a rendere contento il pubblico e in certi casi anche a farlo riflettere e porlo di fronte ai propri. Ma in questo caso quel meccanismo è il fine è diverso, ma il meccanismo è lo stesso. Marzia vuole aggiungere qualcosa? Volevo dire, anche qui facendo una schematizzazione, a Parigi lui trova un pubblico più disciplinato che sta attento, lo pagano meglio e lo fanno lavorare meno. Allora, nella storia di Goldoni ci sono tanti pubblici, credo. C'è una geografia del pubblico, una scoperta fondamentale del pubblico, lui la fa in Toscana, quando arriva nella Toscana lorenese, dove c'è un perfezionismo teatrale, c'è cioè un posto un po' noioso, ma ordinato e diciamo con una progettualità relativa alle cose dello spettacolo, che gli fa pensare a condizioni di lavoro e a ruoli di una drammaturgia un po' diversi da quelli che aveva conosciuto a Venezia. Poi naturalmente c'è la platea veneziana, tumultuosa, appassionata, divisa in clac, all'interno della quale lui è molto consapevole che ci sono fasce di spettatori diversi. A un certo punto dice cioè va a teatro, pagano il biglietto anche i gondolieri o i servitori, e io faccio un teatro anche per loro, cioè scrivo delle commedie in cui li rappresento. Poi c'è una geografia italiana del pubblico e ci sono tanti momenti della sua esperienza in cui lui cerca di conquistarsi delle condizioni di lavoro migliori, perché era molto faticoso lavorare ai ritmi della produzione veneziana. C'è un saggio di Pier Mario Vescovo molto bello in cui lui discute con un drammaturgo napoletano che poteva fare delle cose mettendoci 40 giorni a fare le prove, e dice vabbè, le puoi fare, ma noi lavoriamo in condizioni diverse e quindi facciamo un teatro di tipo diverso. Ma, e lui non smette mai di cercarsi dei posti dove lavorare un pochino più comodo. Appunto a Napoli, a Roma, poi ha dei vincoli contrattuali, poi ci sono i pubblici di settori di nicchie specifici, per esempio il teatro, diceva Franco, il teatro di corte, scrive dei libretti particolari per la corte di Parma, il teatro di collegio, oppure il teatro, le rappresentazioni arcadiche dei circoli bolognesi, il teatro di villa, cioè ognuno di questi pubblici sollecita drammaturgie diverse. E quando lui arriva a Parigi non vi dimenticate che certo c'è la commedia italiana con tutte le questioni che vi si connettono, ma lui si prende il lusso anche di scrivere due commedie per la commedia francese, e una va diciamo in un certo modo, un'altra recitata a Versailles in determinate condizioni funziona meno bene. Quindi la relazione con questi tanti pubblici di lettori, di spettatori, di committenti, è un altro elemento determinante per interpretare parecchie cose. D'autres questions? Poverini, se poi ogni questione rispondiamo così. Bon, on va prendre une pause pour déjeuner, on se retrouve à 14h30. Merci beaucoup. 2 mètres.